Bon. Je vais commencer là ce matin. Donc le thème, c'est sur la question des scientifiques, comment on joue vis-à-vis de animales, des animaux. Ça va être assez bref, contrairement aux nouvelles habitudes que vous allez voir, mais pas super structuré non plus, parce que c'est un exposé qu'on a décidé il y a un peu de jours suite au défaut là, de José qui ne peut pas venir. Le thème là, de la question des scientifiques, comment en fait je suis venu à m'y intéresser, ben, c'est dans le cadre du travail qu'on fait dans Stop Gavage, où on s'est rendu compte que très fréquemment, dans les médias en particulier, des scientifiques français, la BINRA en l'occurrence, interviennent pour soutenir la filière du foie gras en disant qu'il n'y a pas de souci avec le gavage, que ça ne nuit pas au bien-être ou à la santé des animaux. Et c'est un gros frein, c'est pas le seul, mais c'est un des freins importants qui a pour nous pour faire avancer cette campagne. Donc du coup, ça nous intéressait à la question de leurs arguments scientifiques plus en détail. Mais vous allez voir, à travers l'exemple que je vais donner, que je vais vous parler bien plus que du cas du foie gras en particulier. Du fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, je vais mettre un peu de notes que je vais mettre à l'écran pour moi. Voilà, dans le manifeste pour l'abolition du foie gras, qui est sur le site Stop Gavage, on avait dès le départ listé, il y a une petite phrase que je vous montre aujourd'hui, c'est un petit peu le programme qu'on a réalisé sur la question des scientifiques. Voilà, on disait, nous demandons aux autorités scientifiques et vétérinaires, sincèrement préoccupées du bien-être des animaux, d'avoir le courage, malgré les pressions politiques et économiques, de dénoncer les méthodes de production du foie gras pour ce qu'elles sont. En France, on en est loin, vous allez le voir. Pour vous donner un exemple, donc là, sur le cas du foie gras, de à quoi on est confronté vis-à-vis de ces quelques scientifiques qui soutiennent la filière. Je vous prends un exemple d'un article paru dans la Dépêche du Midi, c'était il y a 2 ans, je crois. Donc, c'est Gérard Guy, qui est un chercheur sur le foie gras à l'INRA, qui est interrogé sur les controverses sur le gavage. Et on voit le titre d'article de l'interview, « Gavé n'est pas torturé », déjà c'est un dit long. Et on lui demande... voilà. Comprenez-vous les arguments des anti-gavages? Oui, elle joue un rôle utile. Okay. J'attends qu'ils me donnent des arguments objectifs et scientifiques, ces associations. Alors, le journaliste lui demande, le foie gras est-il un foie malade? La réponse des scientifiques est claire, c'est non. Quand on lui demande, le gavage fait-il souffrir les animaux? Et là, il répond, les protecteurs des animaux ont tendance à faire de l'anthropomorphisme, etc., etc. Donc nous avons fait des études. Conclusion, après le gavage, les oies et les canards ne sont pas stressés. Ont-ils des douleurs? Nous avons fait des études, blablabla. Réponse, le gavage n'est pas une torture. Quand on lui demande s'ils ont des douleurs, on comprend qu'en gros, ils n'en ont pas ou tellement négligeables que ce n'est pas la peine d'en parler. Voilà. Conclusion, le foie gras n'est pas un foie malade, c'est un foie engraissé. Tout va bien. Voilà. Donc, ce genre d'intervention dans les médias, on en retrouve très très fréquemment, puisqu'à chaque fois que les assos arrivent à soulever la question du gavage, qu'un journaliste s'y intéresse, en général ils vont l'interroger le scientifique. Et c'est pourquoi le scientifique? Parce que aujourd'hui, notre société, c'est celui qui est censé dire, alors la vérité peut-être pas, mais enfin du moins de décrire la réalité telle qu'elle est. La science est censée être ça, décrire comment les choses sont, indépendamment supposément des idéologies, de décrire comment les choses se passent pour de vrai. Et donc sur la question de la cause animale, puisque nous on clame que telle et telle pratique nuit aux animaux, les fait souffrir en particulier, évidemment la question qui est posée, avant de prendre des mesures d'ordre politique, législatif, d'interdire telle ou telle pratique, c'est est-ce que vraiment ça les fait souffrir, si oui jusqu'à quel point, pour faire une décision politique et dire on accepte ou on n'accepte pas cette souffrance par rapport à ce qu'on trouve que ça apporte. Et donc la question d'évaluer le bien-être ou le mal-être des animaux, elle est évidemment centrale, et la science a beaucoup à dire là-dessus. C'est logique que les scientifiques soient interrogés. Et donc si on est confronté avec des scientifiques qui prennent des positions partisanes sur ces questions-là, c'est évidemment un très très gros frein, parce que leur poids et leur crédibilité est bien plus grande que celle d'associations qui n'ont pas une crédibilité scientifique, qu'on peut supposer de parti pris. Donc c'est un vrai problème pour faire avancer la cause animale en général. Il y a aussi un autre aspect qui est la question des réglementations. C'est-à-dire que, je dis quelques mots sur l'aspect du débat public, d'accréditer qu'ont les scientifiques, et dans les réglementations, alors là pour parler plus précisément des animaux d'élevage, le rôle des scientifiques est très important, parce que l'essentiel des réglementations sur les animaux d'élevage se fait au niveau de l'Europe, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, et que toutes les avancées, aussi petites qu'elles puissent être, mais quand même réelles, qui se sont produites à ce niveau-là, elles ne sont jamais venues de la France, elles sont toujours venues imposées par des décisions prises avec les partenaires européens de la France, qui se sont finalement imposées à la France, qui a résisté autant que possible. Et dans le processus européen, je ne détaille pas, on pourra revenir après s'il y a des questions, mais il y a une grosse part donnée aux arguments scientifiques, et d'une manière sérieuse, c'est-à-dire que ce n'est pas juste qu'on dit que les arguments scientifiques comptent et qu'ils sont écoutés, c'est qu'il y a des comités scientifiques qui sont liés à la Commission européenne, qui sont constitués de scientifiques européens de divers pays, dont les Français notamment, et qui se réunissent sur divers termes pour produire des rapports sur le bien-être, les souffrances des animaux dans différents domaines. Par exemple, il y a un comité, un rapport qui a été produit sur ce qu'endurent les animaux au moment de l'abattage, en fonction des différentes façons de les tuer, la même chose sur le transport, sur les pratiques d'élevage des veaux, etc. Et ces rapports font explicitement ou implicitement, amènent à des recommandations pour faire évoluer la réglementation. Et donc ensuite, quand la Commission européenne, le Conseil de l'Europe travaille sur des questions sur le foie gras, les veaux, les cochons, etc., il se base sur ces rapports pour, comme argument pour dire que ça vaut le coup pas d'interdire les cages de batterie, de les agrandir, de mettre de la sûre ou pas, de la litière, etc., en fonction d'études scientifiques. Donc ça a un gros poids. Et s'il n'y a pas d'argument scientifique pour faire évoluer les choses, elles n'évolueront pas à ce niveau-là, c'est vraiment indispensable. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est évidemment suffisant, et il peut y avoir des rapports, et c'est le cas de ces rapports européens qui sont en général de très très bonne qualité et qui sont au niveau mondial les meilleures sources qu'il y a d'informations de synthèse sur les questions de souffrance des animaux dans les élevages. Et si il y a beau y avoir clairement dit qu'il y a tant d'animaux qui meurent de telles pratiques, qui en malades, un pourcentage énorme, c'est pas pour ça que derrière, évidemment, ils votent une directive qui va interdire la pratique. Mais donc c'est évidemment, c'est nécessaire, pas suffisant, mais c'est-à-dire qu'il faut s'en préoccuper. Donc pour prendre un exemple concret pour voir comment les choses se passent, au niveau des réglementations, on va prendre le cas du foie gras. Donc en quelques mots, un petit peu l'histoire des réglementations européennes, comment ça s'est passé, c'est qu'il y a en 98, suite au travail des associations depuis longtemps en France et ailleurs qui remettent en cause le gavage, la Commission européenne a demandé au comité scientifique de la Commission européenne de faire un rapport sur la question du foie gras. Donc il y a un rapport qui est paru en 98, qui je vous montre juste la couverture, mais c'est pas ça, rapport scientifique, voilà, voilà, tous ces rapports sont disponibles sur Internet, et ça fait, vous voyez, 88 pages. Les rapports plus récents sur d'autres questions, c'est des gros rapports, 100, 200, 300 pages parfois, c'est très très complet, ce sont des synthèses. Voilà, c'est un peu aride à lire, hein, pas beaucoup d'images, etc. Mais c'est, vous voyez, c'est que dans les parenthèses, il y a tout un tas de références, et vous avez une bibliographie énorme à la fin, hein, des pages et des pages de biblio. C'est des synthèses sur tous les études scientifiques faites sur le domaine. Donc ce rapport scientifique concluait le gavage tel qu'il est pratiqué est préjudiciable au bien-être des animaux. Donc sur cette base-là, ça donne un argument aux institutions européennes pour dire bon, ben, il faut faire quelque chose, puisque scientifiquement on dit que ça leur porte atteinte. Donc il y a une recommandation européenne qui, en 99, a failli interdire le gavage, mais la France s'y opposait. Donc du coup, ils ont trouvé juste à interdire les cages de batterie les plus petites pour les canards gavés, et puis à faire des recommandations qui de dire il faut faire des études scientifiques supplémentaires pour trouver des alternatives au gavage et voir jusqu'à quel point les animaux souffrent pour en rediscuter plus tard. En gros, c'était ça. Dans les recommandations européennes, la part des arguments scientifiques est importante. Donc, si on regarde celle sur le foie gras, mais c'est pareil dans toutes les recommandations européennes, vous allez voir le deuxième article. On dit ces dispositions devant se fonder sur les connaissances scientifiques, considérant que la poursuite de la recherche sur la santé et le bien-être des canards devait être encouragée, etc., etc. Et ces dispositions réexaminées à la lumière des nouveaux résultats scientifiques. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux rapports européens, des nouvelles recherches qui sont faites, c'est l'occasion de rediscuter, donner des arguments aux hommes politiques animaux, de dire, mais regardez, là quand même, c'est flagrant qu'ils souffrent, il faut faire quelque chose d'aller plus loin que ce qui a été fait. Et évidemment, du côté de ceux qui veulent maintenir les pratiques d'élevage à distance, eux font leur boulot pour apporter des études scientifiques dans l'autre sens, évidemment. Alors, je vais vous donner quelques exemples de ce que peut être une étude scientifique qui est réalisée pour défendre les pratiques existantes et s'opposer à toute évolution favorable aux animaux. Donc, sur le cas du foie gras, je vais vous montrer comment ça peut se passer concrètement. En France, donc, les producteurs de foie gras sont organisés dans une sorte de syndicat, ça s'appelle le CIFOG, qui défend leurs intérêts et qui finance des actions de communication, des pubs à la télé ou autre, mais aussi des études scientifiques. Une partie de ces études, ça consiste à de leur donner des arguments pour soutenir que le gavage ne les fait pas, ça se fait pas souffler à les animaux. Donc ce qu'ont fait les producteurs de foie gras, c'est qu'ils ont financé depuis pas loin d'une dizaine d'années maintenant des études de l'INRA en particulier, avec l'objectif avoué, c'est clair dans les documents que l'on a, qui était de faire croire que le gavage ne posait pas de problème aux animaux. Alors, comment ça se passe et comment, sans nécessairement faire des fraudes scientifiques complexes, c'est-à-dire comment est-ce qu'un scientifique qui ne va pas falsifier ouvertement des résultats ou mentir directement va quand même pouvoir arriver à dire des choses qui vont être favorables à une pratique qui pourtant fait souffrir les animaux. Comment ça peut se passer? Je prends même deux exemples concrets. D'abord, il faut voir que une étude scientifique, une recherche, une expérience avait étudié un certain domaine, avait étudié quelque chose. Mais je veux dire, il y a tout ce qu'il y a autour déjà qu'elle ne va pas étudier. Par définition, on ne peut pas tout étudier tout le temps. Quoi. Donc, il y a d'abord donc, un processus pour sélectionner les domaines qu'ils vont étudier. Et comme ils sont financés par là, les producteurs foie gras, évidemment, eux ne vont financer que les études sur les domaines où ils ont envie qu'on mette l'éclairage. Quoi. Alors, sur le cas du foie gras, c'est notoire que les animaux sont malades, c'est-à-dire que de plus en plus, au fur et à mesure des jours de gavage, ils sont dans un plus en plus mauvais état physique, de plus en plus meurent, et donc leur état de santé se dégrade. Donc, évidemment, la première chose qu'ont fait les producteurs du foie gras, c'est de ne pas financer des études sur l'état de santé des animaux, l'état de santé générale, l'état de santé de fatigue. Donc, ces problèmes-là ne sont pas soulevés, ils ne sont juste pas vus, on n'en parle pas. Hein. Donc, c'est une première façon d'occulter les choses, c'est de mentir par omission, en fait, ce qui n'est pas vraiment mentir. Alors ensuite, donc ça c'est la manière un peu facile. Après il y a des choses un petit peu plus subtiles, donc je vais prendre des exemples, un ou deux exemples concrets, je vais vous montrer comment ça peut se passer. Donc là c'est des cas simples, c'est-à-dire c'est des scientifiques qui vraiment travaillent ouvertement pour défendre les pratiques. Après on parlera des cas un peu moins tranchés. Sur la question du foie gras, il y a la question de savoir est-ce que les animaux aiment, sont indifférents ou essayent d'éviter de fuir le gavage. C'est un des moyens, c'est pas plein de pratiques, de regarder leur comportement. Donc on va regarder un peu comment les scientifiques abordent cette question. Alors je prends un exemple, mais dans une revue qui s'appelle Cerveau et Psycho, scientifique de vulgarisation, il y avait un article de ces mêmes chercheurs d'INRA, le gavage est-il indolore? Si elles allaient se nourrir spontanément, le gavage ne les effraie pas plus que le fait de manger. Okay, donc a priori tout va bien. Quand vous regardez un peu la page précédente, ils ont mis une photo de gavage, vous regardez les oies se sont planquées au coin de la cage, alors qu'il y a la gaveuse qui est là pour ne pas dire qu'elle se précipite vers le truc. Alors, on peut aboutir à des résultats comme ça. Alors, je vais prendre un exemple. Sur les, quand on fait des mesures, nécessairement, il y a à sélectionner la manière dont on va prendre les mesures, c'est-à-dire sur quels critères on va noter les choses. Ben, sur la question de l'évitement, de savoir s'il fuit ou pas le gavage, ces chercheurs avaient pris trois critères qui étaient indifférents, effrayé ou je ne sais plus le troisième, mais qui était attiré, voilà, quelque chose comme ça. Non. Dans leur, bon, on prend tout détail, mais disons globalement, déjà dans leurs études, chose un peu bizarre, ils ne donnent pas les résultats de pourcentage, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas combien il y en a qui sont effrayés, indifférents, etc. Bizarre. Alors évidemment, quand on a vu comment ça se passe dans une salle de gavage, on voit qu'en gros quasiment tous les canards, quand le gaveur s'approche, se planquent dans la cage, essayent d'échapper. En outre, c'est parce que les résultats étaient évidemment catastrophiques. Alors qu'est-ce qu'ils font après? Alors, du coup, au lieu de donner les résultats brusques, qui est en gros ceux qui nous intéressent, quoi, ben, ils travaillent sur des résultats intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils disent, on va étudier, finalement, non pas, alors ils disent pas ça comme ça, mais en décortiquant les études, on voit que c'est ça, on va pas étudier l'attitude du canard quand le gaveur s'approche pour les gaver, pourtant ce qui nous intéresse, mais l'attitude du canard quand le gaveur s'approche d'eux, en général. Et donc ils disent, ben, si jamais ils ont peur du gavage, ils doivent finir par avoir une aversion vis-à-vis du gaveur, puisque c'est lui qui les gave, et donc quand le gaveur doit s'approcher, d'une manière générale, ils doivent essayer de fuir. Et puis ils mesurent, et puis ils se rendent compte que finalement, il semblerait qu'ils essayent moins de fuir le gaveur que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Donc ils disent, ben, finalement, c'est que sans doute, il n'y a pas d'aversion au gavage, parce que sinon, ils fuiraient encore plus le gaveur que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui a priori ne vient pas leur faire du mal. Voilà. Donc avec ce résultat-là, donc, il y a une phrase qui est un peu au milieu qui dit, il n'y a donc pas de développement d'aversion au gaveur, donc... Et puis, alors, des fois, ils disent pas vraiment le don, mais donc tout le monde conclut, ben donc ça les dérange pas le gavage. Quoi. Voilà une manière de faire. Alors après, ce genre de rhétorique, de subtilité un peu de langage, ben, ça fait que quand il y a un journaliste qui a, comme l'article précédent que je vous ai montré, est-ce que les animaux, ça les fait souffrir ou autre, genre, la conclusion du gars qui lit ça en sirotant son café sur un coin de table dans l'article avec le journaliste qui lui-même n'a pas vu ces subtilités-là, c'est en gros, la réponse est non, quoi. Ça leur va bien, il n'y a pas de problème, et donc les oies courent au gavage comme ils sont censés le faire, on se dit finalement c'est validé par les scientifiques. Une autre manière, c'est de jouer sur les définitions des termes. On leur demande si le gavage est nuisible aux animaux. Bon, ça veut dire tout ce qu'on fait pour les animaux. Est-ce que qu'on produit du foie gras, ce qu'on leur fait, c'est nuisible ou pas? Eh bien, eux redéfinissent le terme gavage, mais sans le dire vraiment quand ils répondent aux questions, c'est ben, est-ce que quand on enfonce le tuyau dans la gorge, ça fait mal ou pas, quoi. Mais le gavage, déjà, c'est pas que ça, c'est aussi est-ce que le fait d'être suralimenté, d'avoir trop à manger, ça rend malade. Donc, ben, eux répondent du coup à côté de la question, ils disent ben, non, mais on a étudié, et puis sauf dans des cas particuliers, mais qu'ils excluent parce qu'ils considèrent que c'est des exceptions, du coup, ils ne semblent pas qu'il y ait des douleurs fortes. Alors déjà, ceux qui décident ce qui est fort ou pas fort et ce que l'animal ressent. Bon, et que finalement, ben, donc il y a en gros pas de douleur forte au gavage, donc finalement le gavage ne fait pas souffrir. Alors en fait, là, ils n'ont absolument pas parlé, par exemple, de savoir si les animaux étaient malades, mouraient, et en cas s'ils tombent malades, ils meurent. En jouant sur des définitions de termes. Quoi. Donc, sur quelques exemples un petit peu simplifiés, vous voyez qu'il n'y a pas eu de fraude scientifique, ils n'ont pas nécessairement... falsifier des résultats en jouant sur des mots, on finit par pouvoir faire dire à la réalité ce qu'elle ne dit pas. C'est-à-dire qu'ils prennent une situation, quand ils ont une question, ils sont obligés de la comparer à une situation étalon, à une situation témoin. Quoi. C'est-à-dire si on demande si le gavage a fait souffrir, ils ne vont pas le comparer avec des canards qui ne sont pas gavés, tout ça, ils vont comparer avec des canards qui souffrent énormément, en leur mettant par exemple, de l'huile de moutarde directement sur l'œsophage. Une espèce d'huile essentielle de moutarde directement sur l'œsophage, et ils vont comparer ces canards-là avec ceux qui sont gavés. Mmh. Et comme ça, ils disent, ben, finalement, elle a fait de gavage. Donc, on va dire que la situation avec l'huile de moutarde, c'est une situation de souffrance extrême pour les canards. Et on s'aperçoit qu'au gavage, on a des résultats des taux de corticostérone, je sais pas quoi, un peu inférieurs. Quand on fait des analyses de sang, ça, donc on peut pas dire que le gavage est une situation de souffrance extrême comme l'est la moutarde. Et pareil, sur ce que tu viens d'expliquer sur, la version par rapport au gaveur, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre la situation du canard, on prend comme témoin, comme situation témoin, on va prendre l'approche d'une personne étrangère vers l'animal. Quoi. On va comparer la différence de comportement des canards avec cette personne étrangère et avec l'éleveur pour déduire au-dessus. Alors que malgré tout, si le canard est tout petit, élevé par cet éleveur, c'est quand même le seul être d'attachement qu'il a connu. Quoi. Donc y a, même si y a la souffrance d'un côté, il y a quand même une sorte d'attachement envers l'éleveur qui... Ce qui fait qu'il ne va pas fuir l'éleveur. Mmh. Alors ça existe quasiment plus, parce qu'aujourd'hui les canards naissent sur des tapis roulants dans des couvoirs industriels par milliers, transportés dans des caisses jusqu'à un premier éleveur qui va les enfermer dans des hangars pendant quelques semaines dans lesquelles ils vont grandir, jusqu'au moment où on va les remettre dans des camions pour les emmener parfois chez un deuxième qui va les pré-gaver, puis après on les remet dans un et on les emmène dans des cages chez quelqu'un d'autre qui les a jamais vus avant. Et quand ils font l'étude sur la version au gaveur, est-ce que c'est le gaveur équipé de son matériel de gavage ou est-ce que c'est... Non, absolument, voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est supposé que le canard est con. C'est-à-dire que ça ne peut pas faire la différence entre le gaveur qui vient comme ça, qui passe dans la salle et ce qu'il fait pour venir nettoyer ou autre, et ils savent très bien qu'il ne vient pas pour les gaver, ils ont tout à fait compris ça, les canards c'est évident, du moment où il vient pour les gaver, où il allume la machine qui fait un bruit terrible, et qui s'approche d'eux avec la machine parce qu'ils sont dans des cages rangées, donc ils les voient arriver. Et d'ailleurs les canards, ils ne se planquent pas au moment où la machine démarre, on lâche les mains et qu'il est nerveux, quand dans la salle on voit tous, ils commencent à flipper, et quand c'est seulement à 2-3 cages de distance, à 1 ou 2 mètres, ils commencent à se planquer parce que là ils voient qu'ils arrivent. Et puis quand ils y sont passés et que le canard se gagne, ben, ils ressortent la tête. Quoi. Les canards, ils ne sont pas cons, ils ont compris ça. Donc quand dans l'expérience, ils mesurent effectivement le gaveur qui vient, les mains dans les poches, et puis qu'ils regardent s'il se planque dans les cages, évidemment qu'à ce moment-là, ils ne sont pas nombreux à se planquer. Parce qu'ils ont très bien compris qu'on ne venait pas les gaver. Donc dans les expériences, ils font nécessairement une supposition sur les capacités cognitives des canards. Mais ces suppositions, c'est les scientifiques qui le font, et donc ils les font comme ils veulent. Pour interpréter leurs expériences. Forcément, l'expérience, elle n'est jamais brute, elle est interprétée au travers d'un fil que eux décident, qui est très rarement discuté, et qui du coup permet, si on met des lunettes roses, on voit le monde en rose, ben là c'est un peu pareil. Mais c'est pas complètement faux non plus, comme. Est-ce qu'il y a des fois les canards sont capables de reconnaître le gaveur ? Oui. Ils l'identifient comme un adulte qu'ils connaissent ? Oui. Et apparemment, ils sont. Ils ont un comportement meilleur avec lui que quand c'est un inconnu qui vient. Oui. Ça, c'est quand même une étude en dehors de la machine. Absolument. Ils identifient quand même l'individu. Oui. Peut-être qu'ils font pas le lien avec le reste, c'est celui qui vient de gagner, ils la connaissent, mais il y a quand même quelque chose de valable là-dedans. Ah, mais absolument, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais qui n'était pas la question qu'on leur avait posée. Quoi. On leur demandait si les canards se familiarisent à un individu humain. La réponse est oui, on pense sur ça avant, mais bon, on confirme. Et qu'ils ont peur d'être connus, ils répondent à une autre question. Quoi. Un autre exemple pour illustrer ce que tu disais. Ils utilisent leur propre critère. Pardon ? Ils utilisent leur propre critère. Oui, ils font des hypothèses sur ce que pensent les canards. Voilà. Et suivant l'hypothèse qu'ils vont faire, qui en l'occurrence est fausse, qui ne font pas la différence entre quand ils viennent gaver ou pas, mais ils peuvent interpréter différemment, donner un sens tout autre au comportement du canard. Donc là, on voit que derrière, il y a la question de savoir quelle hypothèse on fait sur la psychologie du canard nécessairement. Quoi. On ne peut pas interpréter une expérience qui essaie d'analyser ce que ressent le canard sans faire en même temps déjà une hypothèse pour l'interpréter sur ce qu'il ressent, quoi, sur comment il perçoit les choses. Pardon ? Est-ce qu'ils font appel à des éthologues étudier justement le comportement des canards de façon plus globale et objective, ou est-ce que c'est seulement le corps scientifique qui ne comporte pas forcément les éthologues qui en effet crée une hypothèse Alors, il y a des recherches scientifiques avec des éthologues, des ouvriers dans des pays étrangers sur les questions des animaux d'élevage. Oui. Là, on est dans un cas, essentiellement ce dont je parle aujourd'hui, qui sont des cas d'études orientées, explicitement orientées avec un objectif de départ sur le cas du foie gras, des études un peu plus orientées dans la piscine, mais on va parler après sur les cochons rouges. Là, volontairement, ils ne vont pas aller en chercher des disciplines scientifiques qui vont montrer que le canard il a plein d'autres capacités. Qui sont frustrés dans ces cages et par le gavage. Oui. sur voilà, un autre exemple par rapport à ce que disait Sébastien, là, sur le fait qu'ils comparent avec ce qu'ils ont envie. Donc là, pour savoir si le canard est stressé, enfermé dans sa cage quand il est gavé, ils comparent ça avec le fait d'attraper un canard et d'enfermer dans une... dans un filet comme ça, vous voyez le derrière qui est par terre, ils sont complètement flippés parce que les canards, en particulier, ils ne sont pas spécialement habitués à voir des humains parce qu'ils sont, comme vous avez élevé par milliers, ils n'ont pas de contact avec quelqu'un dans une cour de ferme qui vient les voir et tout, donc ils sont flippés déjà par l'humain qui les approche, qui les capture, qui les enterre. Et là, c'est un réflexe pour eux, c'est une question de vie ou mort. Je veux dire, un canard qui se fait attraper, c'est de la prédation, ils ont un instinct de se débattre pour survivre, quoi, là, quoi, hein, qui se fait déboucher. Donc, ils peuvent, à mon avis, pas être plus stressés que ce qu'ils sont là. Donc, s'ils trouvent après que les taux d'hormones ou de stress sont un peu plus faibles dans le cas du gavage, forcément, ils vont pas trouver que ça va être pire que ça. Ils ont conclu que, comme disait Serge, c'est pas si terrible que ça pourrait être. Ce qu'on vient d'évoquer, sur le fait qu'on doit du coup faire des hypothèses sur ce que pense le canard pour interpréter ce qu'il pense et ce qu'il ressent, je veux dire, ça soulève des questions de fond là, que je ne vais pas aborder, que David avait déjà abordé il y a un ou deux ans, développé dans divers articles, dans les cahiers en particulier, cahiers antispécistes, et je le mentionne quand même, c'est que ce qu'on évoque là soulève des questions en chaîne sur comment on peut évaluer, déterminer, comprendre ce que ressentent des animaux, en fait, en général ce que ressentent des animaux humains ou non humains, et qu'il y a des questions fondamentales scientifiques qui se posent à ce niveau-là, évoquées notamment dans les textes que David a écrits. Et puis ça soulève aussi donc des questions concrètes dans les réglementations là, et les arguments échangés au niveau de ces réglementations, les scientifiques de l'INRA qui travaillent sur le foie gras, eux, donnent des arguments comme on ne peut pas parler, par exemple, de souffrance pour les animaux en général, enfin, en particulier les oiseaux, ça n'a même pas de sens. Donc ils disent déjà, les protecteurs des animaux disent que les animaux souffrent, mais déjà c'est une question qui est mal posée, les animaux n'ont pas cette capacité de souffrance, peut-être de douleur et encore, est-ce qu'ils ressentent quand ils ont mal, est-ce qu'ils ont vraiment mal, ou c'est juste des signaux dans leur corps qui véhiculent de l'information que leur peau est atteinte, mais que c'est pas pour ça qu'ils ressentent de la douleur. Donc ces questions-là, elles émergent vraiment aussi dans les débats, quoi, de manière directe, dans leurs arguments. Et donc c'est utiliser la volonté de... quand on veut nier que les animaux souffrent, une manière de dire, c'est de dire qu'ils n'ont pas la capacité de souffrance, donc, quelle que soit la pratique qu'on leur fasse. Et que, donc une des propositions qu'avait fait David, je le dis là, ça m'a saisi à... Il y a des espèces qui se laissent mourir quand, par exemple, tu les prives de leurs compagnons, des trucs comme ça, enfin, il y a une souffrance psychologique, enfin, c'est une détresse psychologique. Oui, moi j'en ai aucun doute, mais ce que je veux dire, c'est que la science est utilisée ici pour dire, pour le nier, parce qu'eux disent qu'on ne peut pas le mesurer, on peut pas. Je ne vais pas trop développer ça, qu'il avait été fait de manière complète, c'est pas vraiment l'objectif ici, mais je veux dire que des choses qui avaient été soulevées par David en particulier ont des impacts directs dans des argumentations liées à des réglementations, des pratiques, des décisions d'aujourd'hui. Donc cette déclaration sur la sensibilité là, illustre bien ce que je voulais évoquer. La sensibilité est une réalité objective du monde. Qu'à ce jour, la physique, les sciences de l'esprit puissent avoir du mal à en rendre compte, n'y change rien. C'est-à-dire que c'est Galinera qui dit que la science ne peut pas vraiment mesurer si un animal souffre, et d'ailleurs pas de raison pour en être sûr. La dernière phrase, les insuffisances de la science, là, qui ont du mal à appréhender ça, ne doivent pas être utilisées pour nier l'existence et les implications éthiques de la sensibilité animale. C'est-à-dire, c'est pas parce que ces gars-là ont du mal avec leur science à mesurer ce que peuvent ressentir ces animaux, ou même à dire que la science n'est pas adaptée pour ça, c'est pas pour ça qu'on ne doit pas derrière prendre des décisions vis-à-vis des pratiques qu'on fait aux animaux et nier ce qui leur arrive. Je vais passer à un autre élément sur le rôle des scientifiques, qui est le fait qu'ils font eux-mêmes des arbitrages. C'est-à-dire la notion d'expert. C'est-à-dire que il y a un petit peu deux rôles du scientifique. Il y a le rôle de chercheur, c'est-à-dire qu'il va faire des expériences, rapporter des résultats, bon, avec un certain niveau d'interprétation, mais Et puis il y a le rôle d'expert, c'est-à-dire que le rôle du chercheur qui sort de sa science, et le politique, la société, les médias vont les interroger et leur dire qu'est-ce que vous pensez de cette pratique et qui vont donner un avis. Et là, ils vont inévitablement se mettre à faire des compromis, c'est-à-dire à dire oui, ça fait souffrir jusqu'à un certain point, mais par rapport à d'autres problèmes que ça peut poser si on interdit cette pratique, par exemple les cages de batterie, alors il vaut mieux maintenir la cage de batterie. C'est-à-dire qu'ils se mettent à faire des prescriptions explicites. Il vaut mieux que les animaux soient enfermés dans des bâtiments parce qu'à l'extérieur, les conditions de météo peuvent être mauvaises, ils vont avoir froid, il va y avoir des prédateurs. Donc, eux concluent, les scientifiques, il vaut mieux les laisser à l'intérieur. Et là, ils se mettent à faire des arbitrages, des compromis qui sont à niveau politique et qui sont sur lesquels ils ont leur mot à dire, mais ce n'est pas à eux de le faire. C'est la société en général d'en débattre sur la base des arguments scientifiques qu'ils peuvent apporter au débat. Mais ce qu'on voit dans le cas des animaux d'élevage et en France tout particulièrement, c'est que les scientifiques intègrent à la base, donc y compris quand ils parlent en tant qu'experts, qu'il y a un certain nombre de données de base qui ne sont pas censées être mises en cause par la société et donc ils ne débattent même pas et qu'il est complètement implicite dans tous les avis qu'ils émettent. En particulier, c'est de dire que l'élevage ne peut pas être aboli. C'est-à-dire, la question les effleure même pas, l'idée qu'on puisse abolir l'élevage. Ne se pose pas, ça les ferait rigoler sans doute si même on évoquait l'idée, et donc nécessairement leurs travaux sont faits dans l'idée que ça doit être perpétué, et que donc il faut faire des compromis. Donc, l'élevage en général, mais y compris des pratiques en particulier, c'est-à-dire que l'idée qu'on puisse abolir l'élevage industriel, je ne sais pas, la production des œufs de manière industrielle, qu'elle soit en cage ou pas en cage ou en volière dans des grands bâtiments, et pour eux une donnée qui ne peut pas être remise en cause, c'est que nécessairement ça doit rester une production massive à très bas prix. Et donc, quand on leur demande leur avis, ils ont déjà intégré cette donnée-là et donc ils donnent une réponse dans ce cadre-là. Et ils ne questionnent même pas ce préalable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ils ne disent pas, je vais vous répondre en supposant qu'on veut maintenir l'élevage, mais cette question pourrait peut-être être discutée, même si ce n'est pas mon rôle là aujourd'hui. Et puis après, mais non. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ce préalable. C'est-à-dire que la vraie question de fond qui devrait être discutée, qui n'est pas uniquement, pas nécessairement de savoir s'ils sont mieux dans des petites ou des grandes cages, ou dans des grands bâtiments fermés ou dans des cages, qui est de savoir est-ce que c'est légitime de continuer de les élever en masse de cette manière-là avec tout ce que ça implique. N'émerge même pas dans le débat public, parce que ces chercheurs-là, on l'a intégré à la base et l'occulte. Alors, je vais prendre un exemple concret sur l'élevage des dindes, l'élevage industriel des dindes. On va voir comment ça se passe. Au niveau de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, on imagine que la question de l'élevage industriel des dindes va être abordée et que peut-être des mesures vont être prises pour interdire certaines pratiques, limiter la densité d'entassement dans des bâtiments. Les dindes sont enfermées dans des bâtiments, c'est comme l'élevage des poulets, à très haute densité, très serré, avec tous les problèmes que ça pose. Alors, je prends un exemple sur ce cas-là. Oui. Tu peux essayer de parler plus lentement? Oui, je vais essayer, oui. Ouais. Les habitudes reviennent au galop, mais je vais essayer. Je mets à l'écran pour les lire, c'est pas pour vous, c'est plus pour moi, un article de donc l'AFSA et l'ITAVI, sont deux instituts de recherche français, que le ministère français de l'Agriculture, le ministère a demandé de travailler sur la question des dindes, en disant attention, au niveau de l'Europe, d'autres pays vont commencer à essayer de pousser à ce qu'on améliore le cas des dindes. Nous, on ne veut pas, parce qu'on a beaucoup d'éleveurs de dindes, et puis qu'en France, les éleveurs sont plus puissants que les associations de protection animale. Donc, il va falloir qu'on trouve des arguments scientifiques pour résister au niveau de Bruxelles, avec des arguments scientifiques dont on a besoin, parce que sans ça, on ne va pas pouvoir résister. Alors, les chercheurs ont très bien compris c'est leur mission, disent dans un contexte de la future directive, il va falloir qu'on étudie les points critiques des élevages de dindes, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, parce qu'ils ont bien compris quand même, il va falloir montrer la bonne volonté. Mais cela, les éventuelles améliorations des conditions d'élevage des dindes doivent être réalisées sans dégradation de la compétitivité de la filière. Déjà, ils ont intégré ça dès le départ, c'est une donnée de base. Donc, toute mesure qui améliorerait la situation des dindes qui toucherait au revenu de l'éleveur est déjà exclue dès le départ de leur recherche. Et puis, ils constatent quand même un défi majeur, trois petits points. Certes. Alors, cas concret, sur le problème de la densité. La densité des animaux, c'est à très haute densité, ça pose beaucoup de problèmes, je ne vais pas détailler là, on imagine assez bien. Leur question, c'est, dans le monde de la production, le fait de maîtriser des hautes densités est un facteur clé de la réussite, c'est-à-dire plus on en place au mètre carré, moins ça coûte cher, le compromis était possible, est-ce qu'il peut être bien plus entassé. Alors là, ils font des expériences où ils entassent des animaux à la densité habituelle, c'est-à-dire 8 dindes et demi au mètre carré, donc ça fait vraiment pas, ça fait 34 cm de côté par dinde, là, c'est pas petit, hein. Et puis ils en mettent une densité qu'ils appellent réduite, c'est-à-dire qu'ils ont chacun 38 cm de côté. Hein, donc ils sont plusieurs milliers dans un bâtiment, et ils regardent si les effets s'améliorent, c'est-à-dire qu'ils regardent notamment la mortalité, s'il y en a moins qui meurent. Oui, parce que l'état est tellement mauvais qu'ils souffrent, mais en plus ils en meurent. On ne fait pas dans les détails. Hein. Et ils se rendent compte que non, ils meurent un tout petit peu moins, mais quasiment pas. Quoi. Et donc c'est tellement peu qu'ils constatent que du coup les effets de la densité sur le comportement des animaux sont extrêmement limités. Donc, alors quand même, dans une autre expérience, on a retrouvé qu'ils avaient fait aussi une expérience à 5 animaux au mètre carré, c'est-à-dire un peu moins. Je ne sais pas combien ça fait, ils ont peut-être 45 cm de côté, quelque chose comme ça. Et là, ils constatent qu'il y a quand même un effet relativement notable sur la mortalité. Donc du coup, ils reconnaissent dans cet article, il faudrait envisager des réductions drastiques de la densité, de l'ordre de 40%. Alors drastique, quand on voit les densités que ça donne, le nombre d'animaux de carré à la fin, ça paraît quand même à l'œil nu toujours aussi horrible. Mais des réductions drastiques pour l'éleveur, et donc incompatibles avec les réalités économiques. Incompatibles, ça ne discute même pas, ils avaient intégré dès le départ la mission. Hein. Donc ça va être exclu. C'est-à-dire qu'après, donc ça c'est dans les articles de recherche, c'est assez pas dans quand ils sont interviewés dans le monde ou dans Science et Avenir, c'est dans les articles de recherche. Après, quand on les interroge, ça c'est déjà intégré, cette vague réflexion qu'il y a eu sur le fait que si vraiment les intéressait pas, ça se passerait mieux, elle est occultée, quoi, puisque on ne met pas en cause l'élevage intensif. Donc du coup, dès le départ, on avait exclu l'idée finalement de diminuer la densité, donc ils trouvent qu'à la fin, on ne va pas diminuer la densité. Quoi. Il propose une autre solution quand même, parce qu'il faut, au niveau européen, il va être obligé de proposer quelque chose. Donc le recours aux solutions d'enrichissement, c'est-à-dire de... Parce que là, les animaux sont enfermés dans un hangar où il n'y a rien à faire, quoi, si ce n'est se battre entre eux. Donc il n'y a rien à faire. Donc on se dit peut-être si on leur donne des choses à faire, ils vont moins s'ennuyer à mourir. Et donc ils vont peut-être moins se battre entre eux, et puis ils vont aller mieux parce qu'ils vont s'occuper. Quoi. Donc le retour à des solutions d'enrichissement apparaît nettement plus réaliste qu'une réduction de la densité qui offre un cas marginal pour un coût exorbitant. Mais bon, quand même, ils ont peut-être trouvé quelque chose, donc qu'est-ce qu'ils font Donc là, il y a la recommandation européenne hein, qui impose, qui déjà leur suggère des solutions. On doit s'efforcer de mettre à disposition des dindes des installations adéquates. Par exemple, on leur donne des exemples, des balles de paille, des plateformes pour se percher qui encouragent l'activité, hein, qui réduisent les comportements donnant des blessures. Donc là, je vous montre un exemple d'installation qui est testée suite aux recommandations du Conseil de l'Europe. Donc ça, c'est dans des articles scientifiques. Voilà. Donc là, vous voyez, on met dans un hangar, là on ne voit pas bien, c'est un peu rigide, enfin, les hangars typiques, c'est vraiment des dizaines, c'est pas plus de 100 mètres de long. Et là, on met ce qu'on appelle une plateforme, donc ils peuvent monter ici, et puis là, il y a un petit plateau. C'est déjà pas encore Disneyland, enfin au moins, ils peuvent monter, grimper, descendre, sauter, ils peuvent déjà un peu faire ça. Et ça permet notamment aux animaux qui se font agresser par les autres, parce que quand ils sont entassés comme ça, il y a, comme chez les humains, des qui agressent les autres, et que les oiseaux, ce qu'ils font quand ils peuvent bouger, c'est qu'ils s'éloignent, les oiseaux agressés s'éloignent, qui est une façon de dire « ok, je ne me bats pas », donc on dit « d'accord, j'ai gagné », et puis ils arrêtent là, en général, ça se passe comme ça. Quand ils sont entassés, c'est le cas dans des petites cages, ou quand ils sont en densité, ils ne peuvent pas partir, parce qu'il faut qu'ils marchent sur les autres, et donc ils restent à proximité de celui qui agresse, et qui du coup continue en disant « quoi ?» En gros, ça doit être ça, je pense qu'il se passe dans leur tête, tu me résistes, enfin ils continuent jusqu'à montrer qu'il a gagné. Et ça se finit par des blessures, parfois des morts. Donc là, ça leur permet de s'échapper. Suite à cette expérience, ils constatent une amélioration significative de divers critères de blessures et de mortalité. Donc on imagine qu'ils vont conclure que ben, cette installation préconisée est bien. C'est quoi le truc qui a marqué après de plus, cet enrichissement permet de les élever avec une intensité lumineuse de 20 lux. C'est quoi, ça veut dire quoi en fait? Alors, oui, c'est qu'il faut les mettre, voilà, parce que comme les animaux s'agressent entre eux, tellement ils sont entassés, une manière de limiter le problème, ça fait des pertes, ça fait coûte, c'est de les maintenir dans la pénombre, en tout cas ils ne voient pas les uns les autres ou à peine. Donc toute la journée, ils sont habituellement dans quasiment dans la pénombre. Comme ils ne se voient pas, ils s'attaquent moins. Ça, la recommandation européenne demande à ce qu'au moins un certain nombre d'heures par jour, on les laisse avec un minimum de lumière. Et donc là, ce que constatent les chercheurs, c'est que grâce à cette installation, si on augmente la lumière pour répondre aux demandes de la recommandation, ça ne fait pas augmenter trop du coup les agressions quoi, grâce à cette installation. Donc c'est une installation qui apporte quelque chose. Quoi. Mais, problème, oui, vous voyez là, on voit les taux de mortalité, je peux obtenir en vert, c'est sans installation, et 20%, c'est-à-dire une dinde sur 5 meurt. Et pourtant, il ne reste pas longtemps, hein, c'est quelques semaines, hein, et ça descend à moins de 5%. Vous voyez. Donc, c'est, effectivement, c'est significatif. Et quand on pense à ceux qui meurent, il faut regarder à ceux qui restent vivants, les blessés. Le problème, c'est qu'ils ont regardé, ils se sont dit, mais ça va coûter un peu cher. C'est pourtant pas. Ça va coûter un peu cher aux éleveurs, ça va les embêter, après il faut le nettoyer quand on vide de hangar, il va falloir en plus de nettoyer le sol, des trucs plus ou moins automatisés, il va falloir nettoyer ça, ça va prendre un peu de temps, donc ça va plaire aux éleveurs. Donc, comme ils ont été gardés à le départ qu'il ne fallait pas diminuer la productivité de l'éleveur, ils vont essayer une autre solution. Donc, pour limiter les conséquences pour les éleveurs en termes de conditions d'organisation et de travail, les râteliers de paille, parce qu'on leur a mis en plus de la paille, les râteliers de paille ont été remplacés par des ficelles, et des barrières métalliques verticales ont été substituées aux plateformes qu'on vient de voir. Alors je vous montre, donc ça c'est une deuxième expérience, on essaye de voir si on peut faire pareil pour moins cher. Je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà. Là j'ai pas très bonne. Mais pourquoi la paille va coûter moins que les ficelles? Non, parce que la paille il faut la nettoyer après. Les ficelles, je vais te montrer. Alors ça, c'est je montre juste après les ficelles. Ça, c'est les plateformes. Alors, une plateforme. À la place des plateformes, on met. Mais en fait, c'est une barrière, quoi. Une barrière de fil d'attente qui coûte rien. Et de ne pas avoir besoin de nettoyer. Et puis les ficelles, sale. C'est comment? Ça doit être moins sale. Là, du coup. Et ça doit être moins sale. On peut les bouger plus facilement. Voilà, à la main. C'est ça. Et puis. Et puis je crois qu'elles servent en plus à autre chose, elles permettent de canaliser les animaux quand ils les sortent ou autre, en plus ça a de l'intérêt pour l'éleveur du coup. Et puis, oui, vous voyez à quoi ça ressemble, là ils ont aménagé hein, avec cette barrière, donc ils mettent au milieu quelques barrières. Quoi. Effectivement, ça ne doit pas bien. Et les ficelles. Mais parce que c'est mieux c'est que rien. Et les brins de ficelle, voilà des brins de ficelle. Les brins de ficelle, donc c'est vraiment des bouts de ficelle. Hein. C'est Les ingénieurs ont utilisé des ficelles multibrins de couleur jaune et disposées au niveau de la mangeoire qui est là. Le rôle de ces ficelles est de se substituer à la paille de façon à ne pas induire de risques pathologiques parce que les animaux sont entassés à tellement grande échelle puis comme on nettoie pas le hangar jusqu'à ce qu'on les envoie à l'abattoir, ils font caca par terre et la paille ça peut plus facilement héberger des microbes. Et à limiter les contraintes liées au remplissage des ateliers. Ben oui, parce que la paille, il faut l'amener, la paille, c'est du boulot. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont rien d'autre dans le hangar. Donc eux, au moins, ils peuvent venir un peu dessus, puis ils tapent dessus. Ça les occupe deux minutes. Mais justement. C'est un bout de ficelle qui est accroché. Non, mais ils se font tellement chier les dames que ça, déjà, au moins, il y en a quelques-unes, ils n'ont rien à faire. Donc c'est comme, enfin, je sais pas, t'es enfermé dans un lit toute la journée, t'as rien à faire, on te met un bout de ficelle, tu vas taper un peu dessus. Quoi. Ça va t'occuper 5 minutes. Non, mais c'est vrai, enfin, c'est mieux que rien du tout. Quoi. Mais alors, en fait, ce qu'ils se rendent compte, finalement, c'est que ben, les dames ne sont peut-être pas aussi débiles que. Ça arrangerait tout le monde de le penser et que du coup. Oui, enfin avant ils disent les solutions retenues ne perturbent pas la conduite d'élevage, c'est-à-dire que les ficelles et les barrières ça ne gêne pas trop l'éleveur, hein, effectivement, et elles peuvent même trouver un usage secondaire, donc ça peut les intéresser. Par rapport aux solutions déjà testées, cet essai s'est donc révélé très positif sur ce plan. Par contre, au niveau des dindes, c'est quand même moins clair. C'est-à-dire que dans un cas, ils ont constaté une baisse de la mortalité, mais bon, pas dans d'autres bâtiments. Donc là, c'est pas clair si c'est réel ou pas, peut-être, on ne sait pas trop, possible. Concernant les autres supports, CD et ficelles, oui, parce qu'en plus des ficelles, ils ont mis aussi des CD, hein, des vieux CD, quoi, qui sont accrochés au bout de ficelles, qui se balancent, donc ils peuvent taper dessus, ça balance un petit peu. Mais là, ils ont été utilisés avec modération. Les femelles ont surtout été attirées par les CD, mais quand même pas beaucoup. 6% d'entre elles les ont piquées, c'est-à-dire que ça n'a pas passionné la foule. Là. Et les mâles ont été 2% à apprécier les ficelles multibrins. En plus, ils ajoutent, il est probable que les volailles se désintéressent un peu de ces supports avec le temps. Voilà, donc ça veut dire que... Bon. Donc du coup, en gros, ces équipements-là, les ficelles et les CD... Franchement, les dindes, ça n'a rien à voir avec la plateforme qui, au moins, là, avait un intérêt qui était assez élevé. Conclusion. Ils se disent, bon, bah, il faut quand même tester un peu plus l'histoire des ficelles et surtout si ça fait vraiment baisser ou pas la mortalité, là, les barrières. On ne sait pas trop. Ils se disent que tout en jeu importe. Parce que les chercheurs disent, si les prochains travaux sont couronnés de succès, si ça fait vraiment quand même baisser la mortalité, les barrières. Ça sera synonyme de maîtrise technologique et de facteur de compétitivité pour la filière. En gros, c'est pour dire que ça ne coûtera rien à l'éleveur et ça fera un plus qu'on pourra mettre en avant, qu'on a pris en compte le besoin des dindes et tout va bien. Dans le cas inverse, si on voit que ça ne sert vraiment à rien, cela nous permettra d'argumenter au niveau de la Commission européenne sur l'irréalisme des solutions proposées par la recommandation. C'est-à-dire qu'ils vont dire, on a fait ce que vous avez dit pour améliorer le bien-être des animaux, regardez cette profusion d'études, d'euros investis là-dessus, etc., avec des grands scientifiques, pour aboutir au fait qu'on a vu que ça n'améliorait pas l'enrichissement. L'enrichissement, pas d'amélioration. Solution débile. C'est de l'anthropomorphisme. C'est les protecteurs des animaux qui pensent que les dindes ont besoin de s'occuper, que si on les occupe, elles vont aller mieux, etc. L'expérience a montré que non, etc. Et résumé en une phrase après dans la presse, dans les médias, la dépêche du midi ou autre, quand on n'a pas vu tout ce que je viens d'expliquer là, on dit que bah, c'était prouvé par la science. Ça doit donc être vrai. On fait de l'anthropomorphisme, on se met à la place des dindes. Voilà, donc là c'est un exemple. Pardon ? Une question par rapport économique par rapport au taux de mortalité qui est de 20% chez les mâles et les femelles. Et ça a un coût pour l'éleveur. Comment c'est déjà intégré ? Est-ce qu'ils n'ont pas intérêt à réduire vraiment ce taux de mortalité qui passe à 55% financièrement, économiquement ? Oui. Ou est-ce qu'il y a des assurances ? Oui, oui. Alors d'abord, je ne sais pas si dans les élevages, là c'est dans cette expérience, il y avait 20%. Je ne sais pas si le taux moyen pour les dindes, je ne sais pas de combien il est au niveau national. Je sais pas si il est très, très fort, je crois. Au-dessus, oui, 10%. Au-dessus de 10%, donc il n'était pas autant que 20, mais voilà, il est élevé. Par contre, jusqu'à présent, les solutions qu'il y avait, oui, ça les intéresse de le faire baisser, tant que ça ne coûte pas trop cher. Après, c'est un rapport coût, retour sur investissement. Quoi. Et il faut savoir que l'achat des dindes, ça coûte pas cher à l'achat, les canetons, les dindes d'eau. Donc du coup, ce qui coûte cher, c'est de les nourrir, quoi. Voilà, donc c'est combien on a mis de nourriture, c'est ce calcul-là qui est fait. Il n'y a pas de réglementation sur les densités à l'intérieur des élevages. C'est eux qui les déterminent, et c'est déterminé purement par des facteurs économiques. Ils ont une courbe en cloche, et puis ils ont la rentabilité par mètre carré de leur bâtiment. Et ils en mettent 6, 7, 8, 9, 10... et regarde ce qui va rapporter le plus. Même si 10% de mortalité, pour eux, ça vaut quand même encore le coup. Ils règlent les différents paramètres. Il faut qu'ils soient au sommet de la cloche, quoi. Quand ça devient plus rentable si on en met trop, parce que trop de mortalité, on les réduit un peu. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait qu'en donnant plus d'espace, les animaux bougent plus, et donc engraissent moins vite ? Ou bouffe plus de nourriture, des trucs comme ça. Probable, oui, que ça doit jouer aussi, je ne sais pas dans quel facteur, mais oui. C'est intégré dans ces calculs-là. Combien ça leur coûte ? Oui, parce qu'ils mesurent le taux d'engraissement en fonction de la nourriture donnée. Oui, il y a des courbes de mesure qui suivent ça, l'indice de consommation. Quand on regarde dans les revues filière avicole, tout ça, il y a un tableau qui résume les performances de l'élevage et c'est tel revenu au mètre carré. C'est comme ça qu'ils mesurent. C'est-à-dire tout ce qui ça a coûté, tout ce que ça rapporte, et on rapporte au mètre carré. Et d'ailleurs, on ne compte pas en nombre d'individus, c'est en, les densités, c'est en kilos par mètre carré. C'est le nombre de kilos de dindes par mètre carré qui est mesuré. Alors, il est midi et demi. Alors, il y avait... je regarde le temps. J'ai dit l'essentiel. J'hésitais. L'année dernière, on avait passé un film, un documentaire de Bruno Thomé, Des cochons et des hommes. Il y avait un exemple sur les expériences sur les cochons. Je vais peut-être finir ce que j'ai à dire pour peut-être avoir s'il y a des questions, puis si on pourra passer l'extrait après qui dure une dizaine de minutes. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de dire quelque chose. Alors, le. Oui. J'ai aussi une question pour un. Oui. Parce que là, ils disent que c'est naturel que les oiseaux migrateurs, en fait, mangent plus avant les longs trajets et qui grossissent leur foie exprès pour s'habituer au long vol. Et en fait, c'est là que l'argument du protecteur des animaux, c'est de dire que, bah oui, peut-être, mais ce foie-là, après, ils veulent, ils en ont besoin, pour ne pas le manger. Ils en ont besoin et ils doivent pouvoir s'envoler. Alors, déjà, sur ce, l'engraissement que les animaux font en partie en migration, déjà, on peut trouver des articles qui disaient que ce n'était pas dans le foie, qui s'engraissait, mais autour du foie et puis sous la peau. Donc déjà, le fait de dire que c'est stocké dans le foie, a priori, c'est pipeau. Et puis, de toute façon, c'est aucune commune mesure l'augmentation de poids par rapport à ce qui est fait en mirage. Enfin, en mirage, il passe de 4 kg à 6 kg en jour. Avant de partir en migration, ça n'a aucun rapport. Ils ne peuvent plus décoller, de toute façon, ils ne sont pas capables de voler, ils peuvent à peine marcher. Ils ne peuvent pas marcher. C'est pas un rapport. C'est pareil encore quand ils disent que mon canal est pas maltraité du début à la fin du gavage. Mais bon, admettons, après le gavage, quand ils sont gorgés et qu'ils sont échappés partout, je ne sais pas si c'est un bon traitement quand même. Sur le. Bon, après, c'est un peu en guise de conclusion. Bon, Oui, d'abord, sur le côté des scientifiques, bon, c'est évidemment pas une question de bon, de méchant. La manière dont le problème se pose, c'est que vous avez déjà une population scientifique qui est un peu variée. Il y a d'abord le fait que les scientifiques qui sont aujourd'hui sollicités, nous parlons du cas des animaux d'élevage, qui sont sollicités, ce sont en France, en gros, uniquement, des scientifiques de l'INRA ou d'instituts similaires, qui sont des instituts qui sont liés au ministère de l'Agriculture et des instituts dont l'objectif, d'une manière générale, c'est pour l'essentiel d'améliorer la productivité des élevages. C'est-à-dire, c'est pour ça que ces instituts ont été créés. Et donc, ce ne sont pas des instituts de recherche, on va dire, un peu plus fondamentales, ce ne sont pas des structures universitaires indépendantes au départ des filières d'élevage. C'est des instituts créés pour aider les filières d'élevage. Donc, dans l'objectif même des structures dans lesquelles se trouvent ces scientifiques, c'est un environnement où les objectifs sont mesurés sur le fait qu'ils aident ou pas à améliorer les pratiques d'élevage. Donc, ils intègrent aujourd'hui une composante de plus qui est dire bon, le bien-être animal, c'est comme ça qu'on l'appelle dans ces cercles-là, comme un paramètre de plus, comme ils ont intégré la pollution, les bandages, les lisiers, etc., avec la pression des mouvements écologistes et d'autres choses, quoi. Donc, ils sont déjà à la base dans un environnement qui les incite à faire tous les compromis qu'on vient de voir, bon, quelles que soient leurs propres convictions personnelles, quoi. Ils sont dans un cadre qui les oblige, quoi. C'est les objectifs qui sont attendus d'eux. Ensuite, le recrutement de ces instituts se fait conformément à ce que l'institut fait, c'est-à-dire on va recruter des gens qui ont été formés dans des filières, notamment beaucoup de la zootechnie, c'est-à-dire sur la manière d'améliorer la production animale, la machine animale. Donc ils sont déjà recrutés à la base dans des formations où ils ne sont pas incités à percevoir l'animal comme un être sensible, etc. Et puis après, ils sont soumis à des pressions immédiates. Quand des études sont commandées, je veux dire, on leur commande les études, là sur le cas du foie gras, je vais vous donner des exemples, les objectifs qu'on attend d'eux, ils sont assez clairs, même s'ils ne sont pas dits explicitement, on ne leur dit pas dans leur lettre de mission, mais ils savent très bien qui est le commanditaire, dans quel cadre ça se situe, ils ont très bien compris tout ça, très bien intégré. Et donc quand bien même il y en aurait un qui aurait des convictions tout à fait hautes, qui à titre personnel ne consomme pas, par exemple, de foie gras, il voudrait voir la pratique du gavage interdit parce qu'il trouve ça moche, il n'est pas en mesure de faire vraiment autrement. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il peut faire une fois rendre des conclusions et prendre des positions dans la presse qui vont être opposées à ce qu'on attend de lui, mais il ne va pas le faire deux fois. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui recommander une deuxième étude. Sa première étude va aller dans un tiroir, et la prochaine fois, on va beaucoup tarder à lui payer, c'est ce que Bruno Thomé disait l'année dernière sur le cas des cochons, que l'étude, il y en avait une qui n'était pas si comme il aurait fallu qu'attendait le ministère. Du coup, le ministère a mis des mois ou des mois avant de payer l'étude exprès, quoi, pour montrer que... Et puis après, on va pas recommander d'autres, quoi, ce chercheur-là, etc. Donc, quand bien même ils auraient une volonté autre, l'environnement est tel que... Donc ça veut dire qu'il faut trouver des solutions structurelles pour que si nous, on veut faire avancer la cause animale et avoir un certain support scientifique, sur le cas des animaux d'élevage, il y a des solutions structurelles à trouver, quoi. C'est-à-dire que très probablement, ces instituts-là ne sont pas des bons endroits pour que les choses s'améliorent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir un petit peu à ce niveau-là pour aider à ce que ce soit moins pire. C'est le cas, il y a eu quelques contacts de prix là, au niveau de l'INRA, par diverses personnes, enfin, on a été à des réunions, etc. On a pris des contacts, ça doit certainement aider un petit peu à améliorer les choses, mais il ne faut pas attendre de miracle de ce côté-là. Alors après, il y a probablement ce qui manque en France, c'est qu'il y a une réelle recherche universitaire sur la question du bien-être des animaux dans les élevages, des animaux, je pense, en général, au niveau universitaire. L'université est moins soumise, elle aussi, mais quand même beaucoup moins soumise de manière directe à la pression des filières d'élevage en l'occurrence, même si tout n'est pas rose, mais clairement, il y a une grosse, grosse différence. Donc là, une des pistes, c'est de regarder du côté des personnes qui travaillent sur des animaux de sauvages, du type des sangliers, par exemple, mais qui ont des espèces, des lignées qui ressemblent dans les animaux d'élevage. Les cochons, là, sur l'exemple que j'ai pris, les oiseaux, il y en a plein qui travaillent sur les oiseaux. Les canards sauvages ne sont pas super différents des canards qu'on gave. Donc ce serait de creuser de ce côté-là. Après, il y a des exemples aussi dans d'autres domaines. Sur le cas du nucléaire, il y a toute l'expertise qui était faite sur le nucléaire, les impacts du nucléaire, jusqu'à récemment, elle était faite par des scientifiques qui étaient de l'EDF ou du CERN, etc., qui était lié aux intérêts industriels et politiques du nucléaire. Il ne fallait pas s'étonner des résultats, des conclusions qui sortaient. Et il y a eu donc l'émergence de contre-expertise sur le nucléaire dans diverses associations, notamment une qui s'appelle la CRIRAD, Centre de Recherche et d'Information Indépendante sur la Radioactivité, qui est une structure d'origine citoyenne, scientifique citoyenne, mais de gens compétents dans le domaine, équipés de matériel qui vont bien, compteurs GGRI, et qui produisent des contre-expertises, notamment qui sont lancés au moment de Tchernobyl. On avait dit le nuage n'est pas passé, etc. Et on produit des rapports quelques années après, attestant du contraire. Ils sont en train de se battre encore aujourd'hui pour faire reconnaître ça. Donc il manque aujourd'hui pour les animaux d'élevage, mais les animaux en général, une structure comme le Centre de Recherche et d'Études et d'Information Indépendante sur la Viande, par exemple, qui produirait des rapports, des contre-expertises. Comment faire émerger ça, c'est une autre question, mais en tout cas, c'est clairement sûr, pour le débat public en France, nécessaire. Au niveau européen, ça se passe mieux, dans les négociations européennes, des pays du nord de l'Europe en particulier, d'Angleterre et d'autres pays, il y a des assos comme le CIWF, RSCPA, etc., qui financent les études scientifiques, et puis de plus en plus aussi au niveau du gouvernement, il y a des organismes qui financent des études et qui sortent des résultats qui sont souvent très très forts, enfin, de remise en cause de pratiques des vaches qui après servent au niveau européen. Non, mais c'est plutôt au niveau, le problème il est plutôt au niveau du débat public en France. Comme il n'y a pas un débat public en France fort au niveau de la remise en cause des pratiques d'élevage et des soutiens scientifiques, il n'y en a en gros pas. Ça veut dire que le gouvernement français se sent dans les négociations européennes les mains libres, parce que c'est derrière, il ne va pas être emmerdé à la maison quand il va revenir, s'il soutient à fond les éleveurs. Et comme la France a un poids fort au niveau de ces négociations-là, la France et les pays qui vont avec, l'Espagne souvent, sur les productions, du coup ça permet de bloquer au niveau politique des évolutions qui sinon, pour lesquelles tous les arguments scientifiques sont clairement établis, que ça nuit aux animaux et qu'il faut les interdire. Donc il y a un besoin en France quand même pour ça, pour le débat public de contre-expertise scientifique. Alors, je vous présente un exemple d'initiative qui a été faite au niveau de Stop Gavage, on a donc produit un rapport qui fait près de 300 pages, qui va sortir en septembre ou octobre, qui s'appelle sur le cas du foie gras, donc l'INRA au secours du foie gras. Je vous montre un vieux projet de maquette que Dominique a fait un peu depuis, mais ça va vous donner une idée. Voilà, c'est ce truc-là. qui est une contre-expertise sur les études de l'INRA, qui développe en moult détails les quelques éléments que je vous ai donnés là, c'est-à-dire qui montrent que scientifiquement déjà ce qu'ils disent c'est pas fondé, il y a du pipotage, ils occultent des données, etc. Hein, donc on a mis sur la couverture une phrase de ce chercheur de l'INRA, aucun élément scientifique ne permet de dire que le gavage est une source de mal-être animal. Et on montre comment il peut arriver à dire ça. Et donc ça demande de faire un travail de détail sur de regarder les sources scientifiques, d'analyser ce qu'ils ont dit, de confronter des choses qui sont contradictoires entre deux de leurs articles, etc. C'est vraiment un travail de détail, de fourmi à faire, et qu'aujourd'hui, pour moi, le mouvement animaliste en France n'a pas les moyens de se payer, que ce soit en temps, en argent, enfin, il y a un besoin de structures comme ça à mettre en place, mais qui ne va pas se faire du jour au lendemain, pour produire des rapports similaires dans d'autres domaines, quoi. Et puis aussi, c'est de mettre en évidence quelque chose qui a probablement un effet au niveau du débat public et des interventions des médias plus fortes, c'est de dire, ok, argument scientifique, on peut dire c'est les débats d'experts, puis c'est toujours le gars de l'INRA qui va gagner à la fin, parce que si c'est une structure mais avec des scientifiques qui sont pas encore très connus, enfin, qui n'ont pas la légitimité de l'institut public, etc., c'est quand même dur de se battre contre ça. Donc après, il y a le fait de mettre en cause comment ces études sont produites, c'est-à-dire de montrer qu'ils sont financés par le producteur, qu'il y a des documents qui attestent qu'on leur donne des objectifs, qui aient légitimé les pratiques, etc. Et d'essayer de susciter un débat plus général, c'est-à-dire plus être au niveau du foie gras, des veaux, etc., mais au niveau globalement du rôle des scientifiques sur le bien-être animal en France, et de montrer que le système est totalement biaisé. Donc, peut-être, on va voir, est-ce que les journalistes, est-ce qu'il peut y avoir un débat public là-dessus qu'on arrive à susciter dans les années qui viennent, à voir, c'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'il y a un problème que les journalistes eux-mêmes, eux, leur souci immédiat, c'est de produire des articles, quoi, et d'avoir du contenu. Et aujourd'hui, ces instituts de recherche leur fournissent du contenu et ils ont des gars qui savent qu'ils peuvent appeler au téléphone. Quand ils entendent parler qu'à Bruxelles, on veut peut-être diminuer la densité des poulets au mètre carré, ils ne savent pas trop qui appeler, donc ils appellent la PMF, ils tombent sur Sébastien, qui va leur dire un certain nombre de choses, puis après ils disent côté scientifique, ils vont appeler l'INRA. Et là, ils trouvent toujours quelqu'un qui a quelque chose à leur dire. Et alors quelqu'un qui a quelque chose à leur dire, qui est habitué à parler aux médias, qui va leur faire un petit communiqué de presse, etc., où ça leur plaît, parce qu'ils font leur article de manière simple, ils peuvent mettre le chercheur a dit que, machin, etc. Et donc quand on commence à leur dire que ce que dit le chercheur, c'est du pipeau, ils ont un problème, parce qu'après, s'ils le disent dans leur article, ils vont se fâcher avec les chercheurs. Donc après, quand ils vont l'appeler, le chercheur va dire bah, vous avez écrit des saloperies sur moi, je vais peut-être pas vous aider à faire votre article, etc., sauf s'ils vont. Et puis eux-mêmes, ils ont besoin d'avoir un contenu à remplir. Donc c'est pas évident que les journalistes eux-mêmes soient réceptifs à l'idée de mettre en cause leur source d'information habituelle. Tant qu'ils n'ont pas des sources d'information alternatives, et pour ça il faut monter des assauts de contre-expertise, etc., on n'est pas en mesure de le faire aujourd'hui. Donc c'est pas gagné sur le court terme. Donc voilà, bah c'était une liste de conclusion, je pense que c'est ce que vous avez dit. Ouais. Par rapport à... Ah oui, charte de bien-être animal, label rouge, biologique et tout ça, est-ce que les scientifiques qui ont un lien avec l'écriture de ces chartes de bien-être animal, alors, je ne sais pas si... Est-ce que c'est complètement... Malgré tout, ces chartes, elles existent et elles ont bien été... elles n'aissent pas d'associations, ne naissent pas que d'associations de protection des animaux. Tu parles de la belle rose, par exemple? Par exemple. Enfin, moi, de ce que j'en sais, c'est que ça ne vient pas du tout d'associations de protection des animaux, ça vient des filières et du ministère. Qui face où on voit il y a eu un développement énorme des productions industrielles, une mauvaise image de ces productions, et donc c'est un moyen de valoriser, c'est-à-dire de vendre plus cher des productions qui seraient en théorie un peu différentes de la production de base, standard, industrielle, massive, etc. En pratique, quand on regarde souvent, enfin ça dépend après de quelle norme on parle précisément, mais elles ne sont pas nécessairement super différentes non plus, mais elles sont jamais, c'est pas fait. La question du bien-être des animaux là-dedans, elle est vraiment assez marginale, c'est-à-dire que c'est plutôt le plein air, on va dire, c'est sur l'image qu'a le consommateur de ce que c'est que ces productions, tu vois. Mais c'est pas attesté. C'est plus une démarche qualité, pour le cas du label rouge, effectivement, c'est un label dans les années 60, je crois, c'est vraiment très très vieux, à l'initiative du ministère de l'Agriculture, et je pense que les questions de bien-être animal ont ont été très peu, enfin, ont très peu présidé à la. À la définition du cahier des charges, c'est plutôt effectivement une démarche de valorisation économique d'un mode de production qui se distingue des modes de production industriels qui se répandaient à ce moment-là et qui... Mais je suis d'accord, ça c'est évident, mais c'est plus par rapport... Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à creuser là-dedans, c'est-à-dire par rapport à ce que l'INRA peut publier comme vérité scientifique dans le domaine, dans la majorité de l'élevage tel qu'il existe actuellement, et puis par rapport à ce que là, il y a quand même une petite différence malgré tout, peut-être de densité ou de disposition à l'air libre et tout ça, qui fait qu'il est quand même reconnu qu'à ce niveau-là, il y a une différence. Alors, est-ce que c'est par rapport au bien-être de l'animal? Est-ce que c'est par rapport à la qualité, en effet, gustative de la chair et que tout ça est lié? Mais il y a quand même des choses qui sont induites là-dedans. Tu veux dire pour qu'ils sortent du fait d'étudier que les productions plus industrielles? Ouais, enfin, le fait que ça existe, à mon avis, peut être un argument. Enfin, je voulais savoir si les scientifiques, si l'INRA, elle avait fait des recherches par rapport au label rouge ou à l'élevage en agriculture biologique qui font que, bon, bah, ils sont, je sais pas, même si les différences sont minimes, de toute façon, on est dans un système qui fait que les différences sont peut-être que c'était un moment, un moment aussi où il y avait moins cette habitude, enfin, cette nécessité de recourir à l'argument scientifique, et qu'il y avait peut-être plus une espèce de, enfin, des simples questions de bon sens finalement, que voilà, une poule c'est fait pour être dehors, tu vois, sans forcément que ce soit étayé par une étude de 2 ans sur des élevages témoins en mesurant l'impact de. Et donc, selon toi, les scientifiques n'ont pas fait d'études Dans la définition de ces labels et tout ça, non, ils n'ont pas participé de manière directe. Mais il y a des études de l'INRA. Alors, sur des comparaisons, élevage de cochons enfermés, engraissement dans des boxes, etc., et élevage de cochons qui ont un accès à une petite courette extérieure ou carrément des élevages à l'extérieur. Quoi. Ça, il y en a des études comme ça. Alors, il y en a d'autant plus que les animaux sont gros. C'est-à-dire que plus les animaux sont gros, si on va vers les vaches, d'un côté, plus petit si on va vers les oiseaux, les poulets, plus les animaux sont gros, plus ils sortent un peu du cadre. Quoi. Bon, là, je trouve aussi que plus les animaux sont gros, souvent, et plus ils sont aussi élevés dans des conditions moins intensives, plus c'est des oiseaux qui sont entassés, cachent de batterie, etc. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on prête, plus les animaux sont gros, on leur prête une plus grande sensibilité, capacité de percevoir, parce qu'ils sont plus gros, plus proches de nous. Enfin, je pense qu'il y a des choses comme ça à la base. Parce que les mammifères, ben, les oiseaux, ils sont forcément plus proches. Voilà, il y a tout ça qui joue. Même en dehors de la taille, je sais. Donc, pour les élevages cochons, vaches en particulier, oui, il y a des études qui comparent les modes dits qu'ils appellent alternatifs, bio, etc. Elles ne sont pas super nombreuses et ce n'est pas la masse des études faites, mais il y en a, oui. Oui. Mais non, mais c'est sûr que ça va vraiment peut-être, je pense qu'après, le label, il va appliquer, il va dire une norme de plein air avec telle densité, je ne sais pas, à l'extérieur. Donc, eux, quand ils font les études, ils ne font pas l'étude du label rouge, ils font l'étude avec des différentes densités, tu vois, c'est pas non plus. Toi, tu disais dans le sens de les amener vers quelque chose d'un peu moins pire, c'est ça, en argumentant que le label rouge est quelque chose d'économique qui se vend, qui existe, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas ça. Je pense que ça pouvait être un argument. Oui. Je voulais savoir si le scientifique de l'INRA avait aussi travaillé à l'élaboration d'un programme concernant label rouge ou élevage biologique. Et du coup, ça pouvait être un argument dans le sens, si ça avait été le cas, de dire, mais voilà, vous avez quand même deux discours, c'est-à-dire vous avez un discours par là en disant que telle densité sont viables, etc. Et puis en même temps, vous avez aussi le discours à côté où vous dites que quand même le plein air, ça peut être bien, ou des densités réduites, ça peut être bien. Oui. Voilà, c'était ça la question. Oui, c'est le cas. Non, mais en creusant dans toutes les publications de l'INRA, par exemple, oui, on trouve des arguments pour contredire d'autres études qu'ils ont faites pour légitimer des pratiques les plus intensives. Absolument, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Dans le cas du foie, on a trouvé plein, mais c'est le cas dans d'autres domaines. Oui. Dans le cas des poulets, sur le site de la PMAF, on trouve des citations qui viennent de l'INRA, qui attestent de problèmes liés à l'entassement. Voilà. Moi, je ne suis pas sûr qu'ils aient joué un grand rôle non plus, parce que c'est souvent des démarches de filière qui proposent une labellisation. Donc, c'est eux qui font leur propre cahier des charges, mais c'est vrai que sur quoi ils se basent de mettre la limite à 11 poulets par mètre carré en label rouge, au lieu de... Je ne sais pas ce qui détermine cette densité. Je ne pense pas que ce soit appuyé sur une étude scientifique. Ça peut être d'autres éléments, je sais pas. On s'appuie sur les pratiques, quoi. Combien les gens font là, voir combien de gens vont rentrer dans le label sans qu'il faut changer leurs habitudes. Sous les poulets, c'est des races des fois rustiques qui ont une croissance plus lente, alors qui correspond à des pratiques, peut-être des expériences, enfin plus un savoir-faire, des trucs comme ça. Puis comme c'est une démarche qui vient de la filière elle-même, ils ne sont pas dans un rapport de force. Ils n'ont personne en face qui va leur dire non mais attendez, qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils sont plus heureux d'avoir avec le macho. Il y a un éleveur de truies là, Schweitzer de cochon en Alsace, qui a fait son propre cahier des charges. Et il a été à la rencontre de la protection animale en disant voilà, qu'est-ce que je pourrais faire, votre avis, avec une espèce de groupe de discussion, mais qui correspondait plus à des éléments un peu. Ouais, un peu ce que disait, un peu de bon sens, quoi. Enfin, on se dit, on met pas de caille-bottine, on va faire sur paille intégrale. Bon, les stalles, c'est pas très beau. Enfin, c'est bien que les porcelets soient avec leur mère tout le temps. Enfin, ça reste assez macro, quoi. C'est pas... J'ai l'impression. Et sinon, il y a des éléments, quand même, qui disent... Les études scientifiques, elles pourraient donner des éléments inverses, presque, sur la base de leurs critères, sur les taux de mortalité, par exemple, pour les poules... Bondeuse, voilà. On arrive à des taux de mortalité bien supérieurs en élevage alternatif qu'en élevage en cage de batte. C'est même deux fois plus de mortalité en élevage alternatif en moyenne qu'en élevage intensif. Alternatif, tu pouvais préciser ce que c'est ? Ben, en plein air, pour les élevages en plein air. En plein air intensif, quoi. En plein air intensif, ouais. Enfin, en plein air comme il se pratique. Mmh. Donc là, après, je suis pas sûr qu'ils aient non plus. On a remis en débat aussi des critères qui permettent de dire qu'une poule est mieux dans un élevage intensif ou pas. Ça dépend sur quoi on se base aussi. Si, il y a des choses comme sur les taux de fracture. On va dire que effectivement sur les taux de fracture, en élevage intensif, il y en a plus. Pour les dindes, par exemple, c'est énorme, je crois. Les taux de fracture, c'est plus de la moitié, je crois. Une fracture à l'abattoir. Oui, donc. Il y aurait des éléments, sûrement, en comparant les deux, et des éléments statistiques, en fait, de résultats à l'abattoir. Parce qu'à partir du moment où, de toute façon, la fin justifie les moyens, et que l'animal est, au bout du compte, un objet qui doit... qui n'a de sens d'exister que parce qu'à la fin ça se transforme en steak dans l'assiette des gens, est-ce que de toute façon les gens prennent pour acquis et obligatoire tout ce qui se pratique pour qu'à la fin le steak arrive dans leur assiette? Est-ce que de toute façon, vu que ils considèrent que ils ne peuvent pas s'en passer et que c'est un plaisir, etc., que tout ce qu'il y a à côté, c'est on ne peut pas faire autrement. Enfin, je ne sais pas comment... Il y a quand même très très forte réprobation dans l'opinion publique sur les pratiques d'élevage standard. C'est-à-dire que si on demande, pour prendre le cas des cages de batterie pour les poules pondeuses, il y a une majorité écrasante des Français, c'est de l'ordre de 90%, qui disent que c'est moche pour les poules, etc., qui réprouvent, mais qui en plus demandent est-ce que ça soit interdit. C'est-à-dire qu'il y a une question explicitement posée, je peux vous donner le chiffre précis, c'est pour être... Les questions sont très claires et les réponses sont très très claires aussi, c'est... Est-ce qu'on pose parallèlement la question, est-ce que vous n'êtes pas des charmes d'eau ? Oui, et la réponse est oui. Et c'est la même proportion ? Voilà, tiens, tu mets à l'écran, là, c'est un sondage qui est réalisé en plus par des chambres d'agriculture ou autres, c'est pas des assos qu'on peut soupçonner en bidonne du truc. Selon un sondage réalisé fin octobre 99, ben ça c'est par le même chercheur que celui qui travaillait sur les dindes, vous voyez. 95,2% des personnes interrogées estiment qu'en élevage intensif, les animaux n'ont pas assez d'espace. 80,5% estiment que les mutilations sont inadmissibles. Ensuite, sur les poules, 89% des Français, dans un sondage représentatif, disent que ils considèrent que c'est très important ou assez important le problème que les poules disposent de très peu d'espace, qu'elles sont en cage, etc. Et quand on leur demande, à l'avenir, seriez-vous tout à fait favorable à interdire l'élevage des poules pondeuses en cage et n'autoriser que l'élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix des œufs, 80% des sondés ont répondu oui. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mesures en France, si on interroge les gens, on trouve des majorités aussi écrasantes. Quoi. Mais la résultat n'est pas 80% des gens achètent les œufs. Non, mais tu vois, il y a plein de domaines où tu penses que ça serait mieux que le gouvernement, l'État, les Français, tout le monde fasse autrement et que tu continues quand même. Tu penses que peut-être ça serait mieux de donner mais plus non, à des pays du tiers-monde. Mais c'est possible de choisir. Ouais. Et le coût n'est pas si énorme que ça. Et dans les supermarchés, on voit des gens, des femmes de mon âge, des femmes qui n'ont pas l'air vraiment paumées, qui choisissent les œufs de la batterie parce que c'est moins cher. Donc c'est un problème vraiment. Le coût de prix, quoi, quand même, le coût, par exemple, 6 œufs, tu peux acheter ça à 0,8 à 80 centimes d'euros. Des œufs bio, tu payes ça 2,50 €. Pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de sous, c'est énorme. Oui, mais on voit les gens qui. Bon, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ok, mais on voit les gens qui n'ont pas l'air d'être très bons. Quand j'ai rencontré Sébastien il y a 3 ans, c'était à l'époque où j'allais dans les supermarchés et je voyais des gens qui allaient chez le père, par exemple, et quand ils choisissaient des œufs de batterie, je leur disais savez-vous d'où viennent ces œufs, etc. Et donc ça faisait fuir les gens. C'était pas une grande réussite. Mais bon, mais c'était, j'ai pu observer qui achetait ces œufs. C'était, si c'était une vieille dame musulmane avec plusieurs petits enfants avec elle, je disais rien. Mais si c'était une femme de 50 ans bien habillée avec des bagues sur les doigts, oui, je lui dis. Mais c'est, ça ne fait rien. C'est des gens. En fait, ma question, ça portait sur le fait, est-ce qu'on peut aborder le truc en essayant de sensibiliser à petite dose progressivement les gens sur des, comment dire, petites parcelles de la souffrance des animaux, progressivement, au lieu de partir du principe que effectivement l'animal a le droit de vivre, quoi, et que sans souffrance, et que ce soit le gavage ou que ce soit. Enfin tu vois, le truc c'est, voilà, on se polarise par exemple là sur le gavage. C'est une des multiples souffrances de l'animal, et en fin du compte, il est comme tu disais, il est égorgé, il est tué. Qu'il était gavé avant, ça rajoute un peu à sa souffrance et à son agonie, mais la fin, c'est toujours la même, quoi. Alors, est-ce que de mettre toutes ses forces pour ne mettre juste un pan de une lumière sur juste un pan de la souffrance animale, est-ce que ça a un sens, quoi? Je ne sais pas si je suis très claire, je pense que je ne suis pas très claire. Je comprends bien ce que ça rejoint au sujet qu'on aura la fin de la semaine sur la promotion du végétarisme. Est-ce qu'on peut se permettre d'aller sur un détail d'amélioration? C'est aussi ce qui est le sujet, je pense, de la PML. Est-ce que l'amélioration des conditions d'élevage est une bonne chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement abolir l'élevage? Mais là, il y a différentes opinions. C'est en plein dans le sujet de la discussion. C'est un problème de débat public pour rejoindre ce que tu dis avec ce que tu disais bien avant. C'est que, bien que tu parlais en tant que les consommateurs, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis contre le fait qu'il y ait trop d'élevage, trop d'emballage sur les produits, parce que ça génère plein de trucs qui ne servent pas à grand-chose et qui coûtent cher derrière, etc. tout le monde est à peu près d'accord avec ça, qu'il y a trop d'emballage. Bon, même si on essaie de recycler, mais recycler, c'est encore, ça coûte aussi, tout ça. Donc, moi, je suis pour qu'il y ait des lois qui interdisent qu'il y ait trop d'emballage. Je ne sais pas comment on serait, mais on doit pouvoir trouver des solutions qui imposent ça aux industriels. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Je pense qu'il n'y en a pas, parce que les industriels ne veulent pas. Pas les emmerder, ça, il n'y en a pas. Mais moi, je suis pour qu'il y en ait. Mais pourtant, quand si tu me regardes, je vais au supermarché, je prends des produits, il y a trop d'emballage, quoi. Et si je cherchais un peu, je devrais pouvoir trouver des solutions pour prendre suite dans le rayon d'à côté ou dans un autre magasin, il y en a moins. Mais je ne fais pas l'effort, quoi. Et pourtant, si on m'interroge dans un sondage, si je suis pour, je vais dire que je suis pour qu'on interdise ça, le produit que j'achète. Et si, du moins, la manière dont il est emballé. Et si il y avait des activistes engagés qui se bougeaient pour le faire, il y en a qui se donnent du mal pour ça, et que je n'irai pas manifester pour pouvoir continuer à acheter mon produit, je les soutiendrai. C'est-à-dire, y compris, je serai capable de signer à l'entrée du magasin une pétition disant non aux emballages excessifs, et d'aller dans mon caddie, aller mettre mon soja sel ou je ne sais pas quoi, quel truc en carton tour qui a mis, ça ne sert à rien. Voilà. Et je pense qu'il y a une proportion de gens, enfin c'est vachement, j'ai aucun doute sur le fait qu'il y a plus de gens qui sont d'accord que les conditions d'élevage des animaux sont moches et qui sont d'accord pour faire interdire un certain nombre de choses, y compris des gens qui sont d'accord pour faire interdire l'élevage, et qui eux-mêmes n'ont pas le comportement de consommateur correspondant à ça. Enfin, pour moi, ils sont comme moi sur d'autres domaines. Et les débats végétalistes et végétalistes, c'est pareil. Quoi. Je pense que la plupart des végétariens sont d'accord que ce végétalisme serait mieux, mais c'est pas pour ça. Voilà. Je pense que c'est un problème de débat public qu'il doit y avoir, c'est une question politique, là, et que les gens débattent en tant que citoyens, quoi, et de ne pas regarder ce qu'ils font en tant que consommateurs uniquement. Le côté consommateur, pour moi, ce n'est finalement que l'expression d'un boycott, quoi. C'est-à-dire de dire « je pense qu'il faut interdire ça, et je suis tellement motivé par cette question que je le traduis dans mes actes d'achat et je boycotte ». Et donc ça permet de dire « il y a tant de millions de Français qui boycottent le foie gras, la viande, je ne sais quoi d'autre ». Et donc, savons qu'il y a une fraction significative des gens qui est très motivée contre, au point que ça se traduit dans les actes d'achat. Et donc, imaginons qu'il y en a encore plus qui sont d'accord avec eux, même s'ils n'ont pas, pour plein de raisons bonnes et mauvaises, traduit ça dans leurs actes d'achat. Et qu'on doit utiliser notre propre boycott de plein de produits comme le signal d'une opinion publique plus large que juste notre petit groupe qui est d'accord avec nous, quoi. Et pas l'inverse. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse. On dit, et on s'attache trop à voir les gens en tant que consommateurs et pas en tant que citoyens. Oui, si tu vois le truc actuel de. Comment ça s'appelle des produits. Fair trade. Équitable. Commerce équitable. Donc, ça, c'est vraiment barré maintenant. Bien que ça coûte un peu plus cher, mais c'est une réussite. Il y a beaucoup de marques fair trade, il y a beaucoup. Et des gens l'achètent. Donc, pourquoi nous ne faisons pas une campagne pour que les gens, par exemple, achètent que des œufs de couleur minotée? Je crois qu'il y a des campagnes comme ça. Par exemple, pour parler de PME. Moi, je ne vois pas. Excuse-moi, moi, je vais commencer quelque chose, mais je ne vois pas. Je ne vois pas. Ce matin, dans le supermarché Saint-Julien, une dame avant nous, elle venait acheter un énorme plateau de batteries très frais. Les gens gardent la prise de consommation, de toute façon, même s'ils sont pour avoir besoin de PMR, quand ils sont devant les produits, ils prennent le moins cher. Quand ils sont devant des emballages, ils prennent le plus joli. Même si, dans le principe, ils voudraient avoir moins d'emballage et des poules qui sont plus heureuses, les réflexes de consommation de base, c'est j'achète un produit qui n'est pas cher. Mais comment ça se fait que maintenant ils achètent Fair Trade? Comment c'est équitable qu'ils achètent? Toi, tu ne bois pas du café équitable. Hein? Tu n'en bois pas du café équitable. Tu ne bois pas du café équitable, Jenny? Moi, oui. Non, tu n'en bois pas. Moi, celui que j'ai acheté, il n'est pas équitable. Oh, oui. Mais oui. Mais non, mais moi, je trouve que ça serait mieux s'il était équitable, mais j'étais à Lidl. Mais chez moi, j'ai pris tous les moins chers dans tous les rayons, j'ai mis ça dans le caddie. Mais en tant que consommateur, j'ai pris du pas équitable parce que ça m'a arrangé, je ne me suis même pas posé de problème, tu vois. J'ai tout rendu le caddie comme ça. Oh, mais moi, j'aurais préféré, en tant que citoyen, que Lidl ne soit pas autorisé à vendre le café que j'ai acheté. Mais c'est après une question de réglementation, effectivement. Si au niveau de réglementation, on interdit les œufs en batterie, les gens achèteront bien sûr des œufs en plein air, ou du café équitable, ou des choses comme ça. Mais tant qu'ils ont le choix, ils reviennent vers des réflexes plein air. Le moins cher, le plus joli. Et ils ne sont pas nécessairement contre le fait de ne plus avoir le choix. Je veux dire, il y a plein de gens qui disent « je serai pour qu'on n'ait pas le choix, ça doit faire partie du truc de base, les animaux ne doivent pas être maltraités, c'est un truc de base à notre société, donc les produits qu'on achète ne devraient pas être issus de la souffrance des animaux. » Quasiment tout le monde est d'accord avec ça, sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir le choix. Sauf que si le choix, c'est un truc de base, on peut pas éliminer le choix. C'est normal, c'est la démocratie, c'est la liberté, il faut qu'on ait le choix. Même si ce choix est débile, même si ça permet d'aller dans des choix qui ne devraient pas être, il faut qu'il y ait le choix. C'est nécessaire. On ne peut pas interdire des. Bah non, ça ne peut pas rester à la liberté. Les gens, je suis d'accord. C'est pas vrai, en fait. Tu n'as pas le choix de tuer qui tu veux dans la rue. Non, mais complètement, on a un choix. Bah oui, non, mais je veux dire. C'est restreindre le choix. Il s'agit de restreindre le choix pour aujourd'hui. C'est restreindre un choix qu'on connaît. Ouais, c'est de ne pas mourir le choix, c'est de ne pas aller tuer les gens que tu vois dans la rue, alors qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit. Ouais, c'est restreint oui. Ce choix. Oui, mais le choix qu'on reconnaît maintenant, ce n'est pas le choix qu'on reconnaît il y a 200 ans. Et à ce moment-là, on avait des esclaves. Et on disait que ça, c'était le choix des humains. Bien sûr, ça peut changer, ça peut être amené à changer, c'est aussi pour ça qu'on y réfléchit, qu'on en discute. Mais c'est quand même quelque chose de très difficile à faire passer. Je suis pas du tout d'accord, mais il reste le choix. Je pense que c'est aussi bien. Moi, quand j'étais un leader, j'ai pas le choix. Moi, je voudrais avoir le choix de pouvoir faire mes courses pas cher, sans me prendre la tête pour faire 10 magasins pour trouver les produits que je pense le mieux. Je voudrais. Ben oui, bien sûr. Mais non, moi, j'ai mon choix, il reste aujourd'hui. Je peux pas faire mes courses de manière aussi pratique et pas chère que j'étais un leader. Pour venir ici, là. Oui, parce qu'on est obligé d'acheter du café équitable. Ah oui, tu pourras jamais avoir ton café équitable, bio, tout ça, au prix que tu payes aujourd'hui. Donc du pas cher au point Lidl, tu ne peux pas l'obtenir en bio équitable. Mais il y a des tas de supermarchés, tu vas à Champion, tu vas à Carrefour, qui sont quand même des supermarchés qui sont assez nombreux, ils ont tous un rayon bio équitable, où tu peux acheter des produits hein, qui est assez correct. Mais qui n'est pas comparable avec le prix de chez Lidl, c'est pas possible. Dans le art, tu trouves du café équitable, tu trouves de steak de soja, il y a des endroits où ça commence, mais c'est toute une histoire de l'offre et de demande. C'est-à-dire, plus il y aura de consommateurs, dans la mesure où on met le produit et il est acheté, on va en présenter. C'est une histoire de législation. Admettons que tu aies un engrais qui soit super polluant, s'il est autorisé, tu vas avoir une super productivité dans tes champs, donc des produits extrêmement peu chers que les gens vont acheter en masse. Si la loi dit que tu interdis ce produit parce qu'il est super polluant, tu n'auras plus ce produit, donc forcément les autres vont se substituer à ce produit, et comme ils seront achetés en masse, ils ne seront pas chers. C'est eux qui auront, tu vois. Dans une certaine mesure. Donc là, tu prends le cas des œufs. Si tout d'un coup tu dis que par un décret ou une loi que pour le bien-être animal, on n'a pas le droit de traiter les poules de cette manière. Donc on va se mettre à produire des œufs de poules élevés en liberté. Forcément, vu que les gens n'auront pas le choix, ils vont l'acheter en masse, donc le prix va forcément diminuer. Après, le truc, c'est que la productivité des poules élevées en plein air n'est pas la même que... Ce prix pourra descendre, si bien sûr il y a des consommateurs de ce produit-là. Il ne pourra jamais descendre au niveau où elle est la prix, c'est pas possible. Oui, indépendamment de savoir si le prix... s'il y a plus de choix, moins de choix, si le prix peut descendre ou pas, je trouve que le fait que décrit Antoine, même si je trouve que c'est pas qu'on comprend pas très bien comment ça marche, mais je trouve que c'est très important à noter, quoi, que les gens peuvent être contre l'élevage en général, ou contre l'élevage en batterie, ou pour des choses comme ça, et qui ne le sont pas de manière hypocrite. Je crois que le fait de dire mais on voit 89%, 86%, là, le chiffre c'est 86%, serait pour interdire l'élevage des poules pondeuses en cage et n'autoriser que l'élevage en plein air, sachant que cette mesure entraînerait une augmentation du prix. 86% sont d'accord avec ça, mais ces mêmes gens achètent en supermarché les œufs en batterie, mais je pense pas qu'il faille dire que ces gens sont hypocrites. Ces gens sont incohérents quelque part, il y a des mécanismes qu'on ne comprend peut-être pas très bien qui les amènent à acheter quand même les œufs en batterie, mais je pense que c'est important de voir, de ne pas conclure que ces gens disent ça pour se donner bonne conscience, mais sont en réalité contre nous. Non, du tout, mais je ne pense pas que c'est... Eux, ils ne se posent pas trop de questions, comme la grande majorité. Ils ont pas envie. Même si, quand on leur pose la question à eux, ils trouvent une réponse, dans leur vie, tous les jours, ils ne se la posent pas. Oui, mais je veux dire, même indépendamment de l'explication exacte, ce que je veux dire, c'est qu'à un niveau politique, C'est important, parce que ça veut dire que malgré le fait qu'il soit difficile de changer les habitudes de consommation des gens, si on leur parle à un niveau politique, c'est-à-dire par exemple la campagne pour l'abolition de la viande, on n'a pas contre nous les 98 ou 99% des Français qui mangent de la viande. Ce ne sont pas des adversaires à un niveau politique, ce sont des adversaires au moment où ils font leurs actes d'achat, mais ils ne sont pas nos adversaires sur un plan politique. Et donc peut-être aussi que ça signifie que le mouvement doit plus aller vers le débat public et politique et moins se focaliser, comme a toujours fait le mouvement pour le végétarisme, sur le côté capillaire, moi je convainc quelqu'un d'autre à devenir végétarien, etc. Et que là, on a une grande résistance, mais que le côté politique, niveau politique, c'est un autre niveau où les jeux ne sont pas faits de la même façon. Ils ne sont pas contre nous de la même façon. Pour les comportements d'achat, pour revenir au développement du commerce digital, du papier emballé, c'est pareil pour le bio. Il y a des gens qui disent « Ouais, mais le bio, c'est plus cher. » Et demain, ils disent « Oui, mais si on achète tous, ça sera moins cher. » Alors, ce qu'on peut dire, c'est peut-être qu'on ne peut pas arrêter complètement nos habitudes et tout changer, mais peut-être de temps en temps, on peut, mettons, aller 5 euros par mois d'acheter un produit bio. Bah, c'est pas beaucoup sur tout le budget. On continue à acheter des choses comme d'habitude, de parmi pas cher, et puis un produit. Et c'est une façon d'amorcer une pompe. Globalement, c'est ce qui se fait, les gens achètent de plus en plus de bio, pas pour tout, mais ils prennent le réflexe de choisir certains produits bio. Quand ils ont le choix et la différence de prix n'est pas énorme, ils prennent du bio, majoritairement c'est ce qui se fait. Tu trouves du bio maintenant dans toutes les grandes surfaces et dans toutes les campagnes, justement parce qu'il y a des gens qui ont commencé à en prendre, et qui avaient un potentiel commercial et que du coup ça s'est diffusé. Donc pourquoi les œufs bio n'auront pas? Je pense que les gens consomment de plus en plus de poules en plein air et tout ça, et dans un moment, ils doivent battre. Oui. Peut-être pas par ici. C'est peut-être pas les mêmes sortes de populations ici qui sont touchées. Quand on voit les 86% de CV, si c'est des sondages qui sont faits par Internet, les gens visent une population qui est très particulière. Ce sont des sondages représentatifs, classiques, IFOP, comme les autres. Oui, les sondages, maintenant, sont par Internet, c'est une population moins chère, et du coup, c'est des gens qui ont le moyen d'avoir un ordinateur chez eux, d'avoir un extrait. Là, c'est pas le cas. Ces sondages-là, non. Comment ? C'est dans la rue ou au téléphone. Enfin, c'est des sondages comme les autres. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, toujours représentatifs, comme ça, des échantillons représentatifs de la population française. C'est pas les sondages Internet, Pipo, là. Oui, pour le compte. Donc, Antoine, est-ce que le pourcentage des gens qui achètent des œufs de batterie diminue ou est-ce que ça reste le même? Alors, je crois que ça diminue très fortement, oui. Je pense en France, en Europe, c'est totalement clair. Dans plusieurs pays européens, c'est maintenant devenu minoritaire, l'achat des œufs de poule en batterie. Et en France, je crois que ça a diminué très très fortement. Oui, j'ai fait même 80 ans. Il y a plusieurs choses aussi. Il y a les œufs qui sont achetés dans les grandes surfaces. Il y a plusieurs choses aussi. Il y a les œufs qui sont achetés en grande surface directement par les gens, dans les boîtes. Et puis, tu as tous les œufs qui sont utilisés par l'industrie, par la restauration collective, tout ça, où il n'y a quasiment pas d'alternative. Mais je crois qu'il y a quelques années, peut-être 4-5 ans, on était à 90% de production intensive en France. Et là, on est à 80% de production intensive. Merci. La production des œufs, il y a 17% de... Non, je sais plus. Ouais, pour les œufs, je sais plus. Mais c'est 80% de production intensive. Il y a des supermarchés en Angleterre où ils n'en vendent pas du tout. En Angleterre, c'est une minoritaire maintenant. Oui. Il y a des supermarchés en Angleterre qui ne vendent pas du tout d'œufs de batterie. Oui, exactement. Ou même chez McDo, en Angleterre, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Oui. Donc tu prends un truc de... Donc moi, je veux cibler des endroits C'est les œufs de plein air. Oui. Si on pourrait cibler McDonald's de Clermont-Ferrand ou le supermarché champion du centre-ville, moi, c'est ce que je veux faire pour voir si ça peut marcher. Une chose qui est relationné avec le prix et ils se reçoivent très grande portion de subventions avec les ménages d'après. Et si on change le droit de subvention, ça va changer le prix, forcément. Il peut faire beaucoup moins de subventions avec les choses de batterie, et automatiquement, les autres prix va être presque égal, presque la même chose. Et ça peut changer le patron d'achat. Les habitudes d'achat. Mais ça va être toujours difficile de changer la politique agricole. Peut-être pas changer au niveau des consommateurs, je pense. Ça ne peut pas être plus difficile que faire illégal l'élevage comme ça. Et je pense que changer les subventions, ce serait beaucoup plus facile que faire quelque chose d'illégal. Après, il faut se méfier parce que les œufs, c'est utilisé aussi en masse dans les sous-produits, dans la fabrication des gâteaux industriels, dans les pâtes, et c'est des œufs de batterie qu'ils utilisent dans toute la fabrication. Il y en a pas ces trucs-là. Je crois que le produit qui utilise des œufs, c'est lequel il précise que c'est la base de chlorophénée. Ouais. Tout ça, on en parle pas beaucoup, mais ça commence. Il y a des produits moyen gamme où ils commencent à préciser ce truc-là. C'est pas les symboles, donc c'est pas forcément bio, parce que ça c'est encore le domaine de faire du 99% des ingrédients sont bio, mais ne serait-ce que de prendre des œufs, puisque justement les gens sont de plus en plus sensibilisés à la question des œufs. Avant ils se foutaient, un œuf c'est un œuf. Maintenant, ils font la différence entre l'œuf de batterie et l'œuf de plein air. Mmh. Et du coup, ben, dans les ingrédients, on fait parfois la différence. Ben, ce que je voulais faire remarquer, c'est que y a, dans les grandes surfaces, en tout cas, en dehors des boutiques bio qui concernent quand même peu de gens, et les achats encore aussi, c'est que dans une grande surface, si on regarde tous les produits qui sont proposés, en fait, la question des produits animaux, c'est peut-être avec le commerce équitable un petit peu maintenant, mais je ne suis pas sûr que ça... Ça a pris beaucoup, c'est récent et tout ça. Mais c'est presque les seuls produits où il y a une valeur éthique dans le produit ou qui est affiché. C'est-à-dire le mode de production des œufs qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2004, je crois. Ils sont obligés de marquer si ça vient d'un élevage de poules élevées en cage ou pas. C'est finalement les rares produits qu'on trouve dans une grande surface où il y a une dimension quasiment exclusivement éthique. Quoi. C'est un argumentaire de vente. C'est un argumentaire de vente. Et même sur des produits où, d'autres trucs intra-humains, quoi, de conditions de travail, ou des choses comme ça, ou de fabrication d'objets en Chine, dans des conditions qu'on peut déplorer par ailleurs, dans les gens, dans les rues, tout ça. Il y a pas d'éthique. On est moins avancé finalement sur les autres choses que sur ces produits-là. Quoi. Donc je trouve que c'est quand même... pas si négatif que ça, quoi, parce que quand on va dans une grande surface, le seul produit presque où il y a une dimension éthique, c'est cela. Quoi. Et même si on regarde même sur des choses qui sont flagrantes, comme les cigarettes, tout ça, ou les gens qui savent que c'est... Rien que pour eux, pour les cigarettes, par exemple, que pour eux, c'est très très très très dangereux, des choses comme ça, les gens continuent à en acheter, tout ça. Donc c'est quand même... Ouais, je pense que c'est quand même quelque chose... à noter, quoi. Même sur les produits contre l'expérimentation animale, sur les cosmétiques, c'est quelque chose qui commence à être mis en avant pas mal sur l'étiquetage et tout ça. Quoi. Et on trouve ça très peu. Il y a Commerce Équitable qui est un peu l'autre secteur qu'on peut trouver dans une grande surface après. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'on commence à trouver des produits, par exemple, où il y a indiqué non testés sur animaux, à Auchan, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a que par ce biais-là que tu peux atteindre des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans une coopérative ou un truc comme ça. Quoi. Et c'est une démarche vraiment éthique. Donc, les gens ne pensent pas qu'ils imaginent qu'un produit testé, pas testé sur les animaux est meilleur au niveau de la qualité du produit, quoi, voire l'inverse. Enfin, même pas, je pense qu'ils ne voient pas de différence. Sur l'œuf non plus, je pense pas que les gens y voient une différence. C'est discutable. C'est pas 100% éthique la démarche. Il y a une autre qualité aussi. Ce qui est objectivement a priori pas vrai. Peu importe. Mais il y a une autre chose aussi sur laquelle on n'insiste pas trop, je crois, en France, sur les campagnes par rapport à les campagnes des assos, c'est le fait de consommer moins de produits de viande, d'œufs et tout ça, quoi, qui est sûrement une démarche. on ne pourra pas éviter, quoi, parce qu'on ne peut pas faire du plein air avec une consommation de niveau actuel. Quoi. Mm. Et c'est sûr que trois personnes, ce que disait Dominique il n'y a pas longtemps, enfin, je n'avais pas vraiment quitté, mais trois personnes qui mangent moins de viande, c'est comme une personne qui est végétarienne, quoi. Mm. Au bout du compte, en termes de souffrance, un truc comme ça. Oui, mais au niveau symbolique, au niveau politique, ça n'a pas le même impact. Ouais, ouais, je suis d'accord, mais dans le cadre des campagnes, je trouve que c'est largement aussi. Ça serait peut-être largement aussi important, intéressant, plutôt que de dire consommer les œufs de plein air ou d'aller de soi avec. Enfin, c'est pas un truc qu'il faut opposer, mais consommer moins de viande ou consommer moins d'œufs, c'est aussi important. Quoi, comme, mais en Angleterre, il y a Eatless Meat qui est une campagne qui est. Qui est pas mal relié, enfin par CWF tout ça, mais qui n'existe pas en France. Je suis pas sûr que ça. Elle ça... est à 14 mai, je pense. Je suis pas sûr que c'est moins d'impact. Attends, je crois qu'il y a David qui voulait. Oui. Non, je suis pas sûr que ça ait moins d'impact de. Trois personnes qui mangent moins de viande. Si trois personnes mangent moins de viande et que ça fait trois personnes qui clairement disent, admettent et diffuse l'idée que la viande est un produit qui n'est pas éthiquement neutre et que c'est problématique de tuer les animaux et que pour ça ils hésitent et qu'ils en mangent moins. Je veux dire, ça a un impact peut-être aussi grand qu'une personne végétarienne. Oui, enfin, il y a peu de chances que ce soit ça. Il y a peu de chances. Ah ben c'est pas du tout évident qu'il y ait peu de chances. Moi, avant d'être végétarien, il y a eu une période où j'en mangeais moins, mais parce que je me posais des questions dessus. Et que je le disais aussi, je veux dire, et que... Non, mais oui, il y a un moment, t'es devenu végétarien, mais la plupart des gens, quand tu argumentes par rapport au fait de cesser de manger de la viande, les gens vont réagir sur le fait qu'il ne faut pas faire souffrir les animaux, au niveau verbal, hein, parce qu'ensuite, dans le comportement, c'est encore autre chose. Mais ce à quoi ils tiennent, c'est à garder le droit de tuer un animal pour s'en nourrir. Donc, à mon avis, des gens qui vont continuer à manger de la viande, il y a toutes les chances que ce soit en gardant l'idée que oui, c'est normal, c'est logique de continuer à faire tuer des animaux pour s'en nourrir uniquement pour le goût. Ils vont pas le formuler comme ça. Mais moi, je trouve que c'est le truc fondamental que les gens cherchent à sauvegarder à l'heure actuelle. Cette distinction entre humain et animal, c'est que la vie humaine est sacrée. Il vaut mieux sauver un humain même s'il doit souffrir. Des animaux, un homme, il ne faut pas qu'il souffre, mais par contre, il faut qu'on puisse continuer à les tuer. C'est pas important leur vie, quoi. Et moi, je trouve que ça génère quand même un problème. C'est très difficile que des gens réduisent leur consommation de viande en ayant une critique vraiment de l'industrie de la viande depuis quelques années, des attaques assez frontales contre le végétarisme. Je me demande si c'est pas davantage le fait de la baisse de la consommation de viande due à des gens qui en mangent moins qu'à des gens qui n'en mangent pas. Ah oui. Dans les documents de la filière viande, il n'y a aucun doute que les végétariens, ça n'existe pas, ils s'en fichent totalement. On voit parfois une phrase disant le nombre de végétariens est toujours ridicule, une phrase de ce style-là, j'ai vu. Bon, pas de problème, on passe à autre chose. Et après, il y a 300 pages sur l'analyse de la consommation de la viande et de la baisse de certaines espèces qui les inquiètent fortement. Oui, c'est tout à fait d'accord avec toi. Alors qu'ils tirent à boulet rouge sur la notion même de végétarien, comme s'ils pressentaient ou ils avaient déjà cette crainte ou en tout. Ils sentent que c'est lié. Et qui est sans doute fondé, que c'est un premier pas et qu'il y a potentiellement un risque de passer du stade je mange de moins de viande au stade où j'en mange plus. Donc ils essayent d'entretenir la légèreté. Mmh. Sur le fait axé sur le végétarisme, et ça va avoir un politiquement. Pour politiquement, je prends plein d'opportunités. Oui, je pense que ça a un impact quand même, parce que quand les gens maintenant commencent à être ouverts à l'idée de manger moins de viande et ils sont moins contre le végétarisme, quand ils ont des enfants qui commencent à penser comme ça, ils ont moins de tendance d'être comme « Oh, tu dois manger de la viande, c'est nécessaire. » Et j'ai vu la même chose dans ma famille. Maintenant, je suis végétalien. Et au début, mes parents, c'était « Oh, mais tu es sûr que tu as mangé assez de protéines ?» Mais avec le temps, ils ont vu que « Non, ça va, je suis très bien. » Et ma soeur est végétarienne, et ils ont vu que ça va. Maintenant, ils ne parlent pas contre le végétarisme. Et ça aide, je pense, pour la nouvelle génération. Mais ce n'est pas une chose qu'on peut changer dans une génération. On doit penser 3 générations, 4 générations, 5, peut-être plus. Parce que c'est une société, et ça coûte beaucoup de temps, je pense. Des espèces. Donc, tu disais, par contre, il y a des végétariens dans la France, et par contre, il y a 300 pages sur le fait qu'il y a des espèces qui sont moins mangées que d'autres. Ça, oui. Tu disais. Oui. Et pas forcément qu'il y a moins de quantité de viande qui sont mangées, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Par exemple, on mange moins de cheval, et peut-être on mange moins de poulet. Moins de lapin. Moins de lapin, parce que c'est plus de viande, je sais pas quoi, mais on va manger plus de bœuf et plus de cochon. Et ça change. Par rapport à ce que tu disais, Denis, d'avoir mis des pubs végéphobes, et toi tu répondais en disant oui, en effet, on voit qu'il y a certaines espèces qui sont moins mangées que d'autres, mais après en termes de quantité ça ne change rien. Je ne suis pas certaine que. Non, mais une baisse globale aussi, quand même. Ça s'analyse, après ça dépend comment tu mesures aussi, mais il y a dans l'industrie de la viande le sentiment qu'il y a une baisse sur une longue durée globale de la consommation de viande. Voilà. Ah, oui. Pas massif, pas que ça s'écroule comme ça et tout, mais que c'est une inquiétude. Okay. Voilà, oui. Mais outre les habitudes des gens à considérer que la viande c'est sacré pour le bien-être, pour la santé, etc., il y a le fait que maintenant, de toute façon, la société, elle marche que sur des principes économiques et que les principes économiques prévalent sur l'éthique et sur tout le reste. Et que à partir du moment où on leur aura pas démontré qu'il peut y avoir un progrès économique avec l'alimentation végétarienne qui soit équivalent à celui de l'alimentation carnée, à partir du moment où, enfin, je veux dire, c'est par le biais économique qu'il faut agir en essayant de démontrer peut-être qu'il y a une marge, que pour eux, peut-être qu'il y a une marge plus importante à se faire sur les produits bio, que le pouvoir de consommation, qu'il y a une demande de la part des consommateurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant que pour eux, les intérêts économiques sont sur la production de la viande, on n'aura pas de marge de manœuvre. Catastrophique. c'est qu'en fait, depuis le phénomène de l'Amérique italienne, les gens ne le veulent plus, et que c'est un manque à gagner pour les éleveurs qui se faisaient un petit bénéfice avec la vente de cette viande de poule réformée, et que maintenant, elle part à du carissage, et que pour eux, ça, non seulement ça n'est plus un bénéfice, mais c'est quand même ça. Voilà. Et donc, bon, c'est qu'à partir de sources comme ça que je... Ça fait plusieurs fois que j'entends des choses comme ça, assez précises. Ouais, moi, j'ai eu l'impression que toutes les bouffes pour chats, les croquettes pour chats, il y a de plus en plus qui font le poulet. La majorité, maintenant, sont venus au poulet. Il y a du taboulé au poulet, non ? Poisson aussi. C'est d'être du taboulé, c'est un poulet. Il y aura bientôt des yaourts. Des poulets congelés. Pour revenir à la question des scientifiques, le discours des scientifiques c'est scientifiques de l'INRA. Les gens savent que l'INRA, c'est quelque chose qui est pour le développement de l'agriculture. Jusqu'au travail de Stop Gavage d'Antoine par rapport à l'INRA, j'avais entendu très très peu, voire peut-être... il y avait quelques remises en cause de la neutralité des scientifiques, mais je veux dire, il y a quand même la tendance, une très grosse tendance du public à avaler la parole des scientifiques de l'INRA comme étant la parole de scientifiques, la parole scientifique, la parole qui fait autorité, parce que ce sont des scientifiques. Alors que dans beaucoup d'autres domaines, j'ai l'impression que le public est plus... est plus sceptique par rapport à des scientifiques. Je veux dire, bon, on rigole quand les scientifiques disent que le nuage de Tchernobyl s'est arrêté aux frontières, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi le public a une capacité à remettre en cause la parole des scientifiques quand ils veulent. Et là, on dirait que le public, il n'a pas envie. Et en même temps, j'ai l'impression qu'en France, pour le public, l'agriculture, c'est une espèce de cause sacrée nationale. Il y a un côté comme ça, enfin, je veux dire, avec le salon de l'agriculture, qui est le rendez-vous de je ne sais pas combien de millions de Français qui y vont chaque année, enfin, qui est vraiment le truc où on dit c'est le machin populaire, où le président de la République, il faut qu'il y soit, etc. Je veux dire, le président de la République, il ne va pas à tous les salons de la Terre, il ne va pas à tous les salons en France, il ne va pas même les grands salons, mais là, il y va forcément. Et c'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi la France... elle a un tel rôle négatif en Europe par rapport à l'agriculture, par rapport au bien-être animal. Pourquoi elle est tant axée sur l'agriculture et pourtant elle est tant, pourquoi elle est tant axée sur cette défense de l'agriculture française la plus dans son côté productiviste maximum, etc. Est-ce qu'il y a un côté purement idéologique derrière ça, lequel culturel ou est-ce que c'est économique? Pardon. Démographique aussi. Enfin. Démographique, historique, peut-être après la guerre, il y a eu je ne sais pas quoi. Enfin, le rôle agricole de la France, il est très très vieux, il a plein de raisons. On a un tout petit pays, mais on se place à la première des premiers producteurs de céréales au monde, alors qu'au niveau de la surface, ce n'est pas comparable à la Russie, au Brésil, à la Chine, aux États-Unis. Et pourtant, on est des gros producteurs à tous les niveaux, au niveau agricole. C'est une des choses qui fait que la France a un poids dans le monde. C'est l'agriculture. Mais on ne peut pas le négliger. C'est les États-Unis, dans l'histoire, avec l'importance. Non, mais aux États-Unis, par exemple, il y a un très gros poids objectif de l'agriculture. Ça fait partie de leur préoccupation politique centrale du gouvernement. Pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il y ait cette... lobby. Pardon ? C'est un lobby. Oui, enfin, il y a un lobby aux États-Unis aussi, il y en a plein, mais je veux dire, ça ne fait pas partie de leur fierté nationale, de leur orgueil national central d'être le pays... Oui, mais il y a une bonne partie des Français qui diront l'endroit sur la planète où on mange le mieux, c'est en France. C'est-à-dire qu'il y a ce regard qui est autour de la France sur la bouffe, sur le rapport à la nourriture. Il y a peut-être aussi ce facteur-là qui joue. C'est ça. Alors qu'en France, on ne produit même pas de Marmite. Hein. Même pas de Marmite. Hein. De Marmite pour le. Sur le pain. En Australie, il n'y a pas le vin. Bon. Il y a le Vegemite. Oh non, arrête. Ah, bah. Vegemite. Oui, mais c'est moins bon. Ah, mais vous n'avez même pas de Vegemite, non, c'est un paradoxe français. Par rapport aux autres pays, tu as listé tout un tas de facteurs qui peuvent faire des différences qui interagissent les uns avec eux. Il y en a un, enfin, sur la durée qui semble inéluctable, c'est la diminution du nombre d'agriculteurs et d'éleveurs en particulier. Quoi. Et la France, là, il y a une différence très nette, c'est très simple à voir, entre le nombre de Français qui travaillent dans l'élevage et le nombre d'Anglais qui travaillent dans l'élevage. La différence est énorme. On en est au niveau aujourd'hui où l'Angleterre, on était au début des années 70, quoi. Il y a 30 ans de différence sur la baisse du pourcentage de la population qui travaille dans le milieu agricole. Et je comprends pas dans quel sens, sérieux. Mais nous, on a encore beaucoup plus, parce que ça baisse en France et ça s'écroule à une vitesse très très élevée. Mais c'est la même courbe qu'a suivi l'Angleterre, mais il y a 30 ans, quoi. Donc il y a encore. Je pense que c'est pareil. C'est un pays qui s'est industrialisé beaucoup plus vite, l'Angleterre. C'est-à-dire industrialisé, c'est-à-dire qu'une partie de l'économie s'est réorientée vers les usines, l'activité économique de l'industrie, et que l'agriculture elle-même s'est industrialisée beaucoup plus tard qu'en Angleterre. Mais je pense que la mécanisation anglaise a dû se faire logiquement plutôt aussi dans l'agriculture, enfin, je suppose, ce qui explique qu'ils ont réussi à se nourrir avec moins d'agriculteurs. Ça doit être pour des importations. Enfin. Mais je pense qu'il y a ce facteur-là qui explique qu'il y a un retard à l'industrialisation en général, donc, et aussi l'industrialisation de l'agriculture en France, et qui fait que ça se traduit au niveau du poids politique et donc de l'écologie aussi. C'est-à-dire que les agriculteurs sont plus présents, donc les éleveurs aussi, donc plus entendus, ont un poids politique plus fort, ont donc des organisations syndicales et autres, associations, etc., qui sont organisées depuis longtemps, donc puissantes, qui savent comment se faire entendre dans le débat public, etc. Et que ça, c'est à la baisse, je suis convaincu que c'est à la baisse, et que ça explique la différence qu'il y a entre la France et l'Angleterre aujourd'hui. Pour pouvoir avoir un ministère d'agriculture végétarien en Angleterre, alors que c'est en France, c'est inimaginable, quoi. Et que ça... Oui. Par rapport à un truc que tu as dit tout à l'heure sur le fait que par rapport aux médias, etc., il était nécessaire de s'organiser pour avoir une interface. Si tu regardes par exemple Amnesty International qui fait la promotion des droits humains, ils ont acquis quand même une grosse crédibilité par rapport aux médias, puisqu'à chaque fois qu'il y a des... par exemple pour le Liban ou des trucs comme ça, c'est eux qu'on vient interroger pour savoir ce qui se passe au Liban, pour savoir... ils ont acquis une certaine crédibilité parce qu'ils se sont dotés de scientifiques, c'est-à-dire de juristes, etc., de chercheurs qui travaillent sur le terrain pour récupérer des informations, et ensuite il y a des gens qui font de la communication qui le diffusent aux médias. Quoi. C'est un des moyens d'acquérir une crédibilité par rapport à la société. Oui, voilà. Mais sur les animaux d'élevage, il y a déjà des associations établies comme la PMAF qui est appelée et de plus en plus connue dans le milieu de journalistes et médias, qui est appelée quand ils ont envie d'interroger quelqu'un pour animaux, ils savent qui est appelé sur les animaux d'élevage de plus en plus. Enfin, ça fait très bien. Sur la question contre-expertise scientifique, non, la PMAF ne fait pas ma connaissance du travail dessus. De diffuser des documents existants, mais il n'y a pas. Voilà, donc après, il y a. Parce que les associations en France, mais c'est simplement un reflet du mouvement, quoi. On n'est pas assez gros, donc il n'y a pas assez d'assauts, assez riches pour faire tout ça, etc. Comme il y a dans des pays du nord de l'Europe, déjà, quoi. Ça vient. Ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, il y a une part. Comment dire, il racole les gens, c'est la vérité, quoi, hein, il racole les gens dans la rue pour récupérer des adhésions, pour récupérer concrètement des sous, pour financer des recherches, pour financer de la communication, etc. Donc il y a une, comment dire, il cherche des fonds par tous les deux. Beaucoup de moyens. Ce qu'il y a à voir, c'est qu'Amnesty, ils n'ont pas un lobby face à eux qui est aussi pesant. Quels que soient leurs moyens, ça leur fera plus de recherches, plus d'études, tout ça. Mais ils n'ont pas besoin de s'opposer à nos études. Les pays qui ne respectent pas les droits de l'homme ne vont pas essayer de faire des recherches pour dire « Regardez, en fait, ça va, nous, les droits de l'homme, on les respecte même là. » La torture n'est pas une torture. Mais c'est pas aussi facile que ça. Alors que là, pour la viande, vas-y, ils vont arriver à ce qu'on ait suffisamment de sous pour faire des recherches contre les scientifiques sponsorisés par les filières de la viande. Il en faut du poignet. je pense qu'il y a quand même énormément de pression politique, etc. Je prends un exemple. Un des vecteurs qu'ils ont eu, c'est par exemple, ils utilisent l'argument de... Parce que maintenant, il y a de plus en plus de sociétés qui utilisent l'argument éthique comme argument de vente. Donc par exemple, ils se sont alliés avec Sephora pour la lutte contre la violence faite aux femmes. Donc Sephora a mis dans ses boutiques des affiches où il y avait marqué... Il y avait une photo d'un maquillage pour les yeux et le bleu, c'est le seul bleu tolérable sur l'œil d'une femme ou un truc comme ça. Donc, marqué un truc, je crois qu'il devait y avoir marqué Amnesty International, un truc comme ça. Donc, si tu veux, à partir du moment où la boutique Sephora, elle sait qu'elle peut utiliser cet argument pour vendre plus... C'est un biais pour promouvoir ou faire entrer certaines idées dans la tête des gens. Bon, après, est-ce que c'est éthique ou pas, j'en sais rien. Mais si tu veux, à partir du moment où tu as des grosses sociétés comme ça, commerciales, qui trouvent un intérêt à promouvoir tes idées, ça peut être un des moyens aussi. Quoi. Ça montre probablement que l'idée est tellement répandue et... On est d'accord avec, ouais. Y compris ceux qui tapent sur leur femme, ils sont d'accord que c'est pas bien. Quoi. Je pense que c'est le moment où les entreprises commerciales utilisent des. C'est une chose, c'est déjà bien établi, ce qui est des sites pour le bien-être des animaux, quoi, comme disait Sébastien. C'est ça. Aujourd'hui que la bataille des idées, quelque part, sur le fait qu'on doit prendre en compte l'intérêt des animaux, elle est déjà gagnée, la bataille des idées. Quoi. Et concrètement, par exemple, pour Amnesty, c'est quoi? C'est de la pub pour rallier des gens, par exemple, à leur mouvement, sans débourser un sou, parce que c'est la Sephora qui finance le truc entièrement, quoi. Mm-hmm. Tu vois? Moi, bon, après, est-ce que c'est éthique ou pas, j'en sais rien, mais bon, voilà, c'est des moyens. Moi, j'ai pas une image de l'Amnesty International comme une contre-expertise scientifique, quoi. Mais comme un truc de dénonciation, de rapport d'observation plutôt, de ce que c'est que la réalité, de montrer des images, d'avoir des statistiques qu'il y ait tant de personnes qui sont emprisonnées politiquement, des trucs comme ça. Quoi. Et de la même façon, je trouve qu'on n'a pas tant à produire des expertises scientifiques pour montrer que les animaux souffrent, plutôt que de démonter celles qui sont faites et de montrer qu'elles ne tiennent pas debout, quoi. Qu'elles sont au service d'une profession, qu'elles sont... dévoyer tout ça, quoi, parce que comme les images qu'on a vues hier dans le film, à la fin, les gens, tu leur montres un animal qui se fait prendre dans un piège à mâchoire, il n'y a pas vraiment besoin d'études scientifiques derrière. Je pense que les gens, quand ils voient les images de poules en cage ou de trucs comme ça, je veux dire, ils sont tout à fait capables de se foutre la gueule les scientifiques qui vont dire que tout va bien pour les poules en voyant ça. Ils n'ont pas besoin d'avoir une étude derrière. Qui va montrer que... Non, mais pour démonter les études scientifiques, est-ce que c'est pas pratique d'avoir des, par exemple, des étudiants ou des trucs comme ça qui soient disposés à t'aider pour argumenter scientifique, enfin, pour démonter les arguments scientifiques. Oui, c'est clair, il y a tout ce qui nous a exposé Antoine. L'importance des études scientifiques, c'est la réglementation, etc. Mais au niveau des gens, des consommateurs et tout ça, je sais pas si c'est... Faut voir aussi que la réglementation, elle a pas forcément... Faut pas se focaliser non plus sur la réglementation, je pense qu'on se focalise énormément dessus, mais elle fait que suivre les évolutions de société, la réglementation. Quoi. La justice aussi, elle fait que suivre. Souvent, j'ai l'impression que c'est surtout ça. S'il y a une grosse désapprobation... Je sais pas, la loi contre la peine de mort... C'est qu'il y avait une désapprobation forte, hein, c'est pas forcément très majoritaire, c'est un peu le contre. Je sais pas, la France était un peu partagée, quoi, je crois. Hein. Non, 80% des gens voulaient le maintien de la peine de mort. Voilà. Je peux partager. Oui, mais c'est souvent le contre-exemple qu'on donne un petit peu, la peine de mort. Mais, je veux dire, c'était justement un exemple pour montrer qu'il fallait justement un pourcentage assez fort de gens qui soient contre pour espérer la faire basculer avec une réglementation et tout ça, mais on n'était pas une... dans des proportions où 5% étaient contre, enfin, étaient pour la, contre la peine de mort, le reste non, on était à une moitié-moitié, et puis bon, il y a eu, c'était un peu le contre-exemple. Non, il y avait 80% de droits qui étaient pour le maintien de la peine de mort. Oui, c'était vraiment une décision politique. C'était en pleine époque Patrick Henry, là, non, c'est plus d'un homme, c'est d'un frère qui a dit non, en France, là. Et là, aujourd'hui, il y a un sondage, il y a 70% des gens qui aimeraient le rétablissement de la peine de mort. Pour revenir sur ce que disait Sébastien, c'est les scientifiques, le fait que la réglementation suit l'opinion publique, c'est global. Enfin, sur le rôle des scientifiques, je pense qu'il est fort dans le débat public. C'est-à-dire que s'il y avait des scientifiques engagés qui s'expriment, moi, ça a un poids sur l'opinion parce que ça a du poids. Parce qu'en tant que scientifiques, ils ont des choses à dire quand même. Plus que, qu'un artiste, quoi, quelque part. Ils sont censés avoir une perception plus fine et rigoureuse de la réalité, de là, ce que ressentent les animaux, et avoir des moyens d'une crédibilité, quoi, nécessairement. Donc les scientifiques vont avoir la joie aussi dans le débat public, et que c'est aussi un problème qu'on a en France, et que c'est rare d'entendre des scientifiques, on a pour prendre le cas des animaux d'élevage, qui s'y expriment. Qui s'expriment là-dessus, quoi. Alors qu'il y en a dans le pays, dans les débats publics sur le foie gras aux États-Unis, il y a des éthologues qui se sont exprimés, qui sont venus dans les médias et dans les parlements des États américains pour dire que la vache était horrible pour les animaux, avec des arguments qui ont ému les politiques là suffisamment, avec suffisamment de force pour que les gens votent, quoi. C'était un des éléments, quoi. Je ne le distingue pas vraiment du débat public, quoi. Pour moi, c'est lié à partir des scientifiques qui s'expriment dans des cercles. C'est aussi qu'on va en trouver qui vont s'exprimer au niveau du débat public d'un lien à l'autre. On a dénoncé ça. Et qu'en France aujourd'hui, on en a. Sur les animaux d'élevage, c'est dur d'en trouver. Quoi. Ceux qui s'expriment, c'est les gars d'INRA, qui en général s'expriment d'une manière qui légitime les pratiques existantes. En même temps, le public est en train de dire ça. Sur les caches de batterie, non. Le public, comme on dit, il pense que le cache de batterie, c'est dégueu. Il pense qu'il faudrait que ça soit interdit. Mais quand il y a eu des débats sur les caches de batterie en France, fin des années 90, des directives européennes, il y a eu des articles sur les journaux là-dessus. Le gars de l'INRA qui parlait de ça, Jean-Michel Faure, lui, il est pour garder les caches de batterie, parce qu'il était missionné pour ça. Il a dit que les poules n'étaient pas si mal en cage, que d'ailleurs, il avait envie d'une cage plus grande, qu'il avait prouvé scientifiquement, quoi. Et après, dans le débat public, ça a quand même un impact là-dessus. Enfin, moi, je ne me souviens pas à l'époque si j'ai entendu ça, j'étais pas obligé tout ça. Si j'ai entendu que la scientifique de l'INRA disait que c'était pas évident qu'une cage était mieux dans une cage plus grande, tu peux, moi, ça m'a influencé nécessairement. Quoi. Je suis convaincu, ça influence plein de gens. Mais aujourd'hui encore, moi, je suis influencé par des études scientifiques. C'est parce que y compris celle de l'INRA. Ça, mais en même temps, c'est vrai que c'est absurde. Tu l'as bien vu. L'étude, tu l'as dit, parle de 34 à 38 cm, c'est du foutage de gueule. N'importe qui a envie d'être un peu objectif dit c'est du foutage de gueule. Mais les gens, par rapport à la question de la vie, souvent, préfèrent être de mauvaise foi pour sauvegarder cette pratique et vont dire ah ouais, c'est prouvé scientifiquement, regardez. 15 cm, elles ne réagissent pas, les poules. C'est comme quoi, hein. Ils ont envie d'y croire, parce que ça les aide à préserver leur situation. Même s'il y a une contre-expertise, ils ont quand même envie de croire ce qui les aide à pas changer. Et de façon concrète, tout ce travail qui a été fait, la critique des expertises de l'INRA, comment est-ce qu'on peut faire que ça ne soit pas un pétard mouillé, enfin, que lui donner de l'importance, parce que c'est sûr que les médias nationaux, par exemple, ne vont sûrement pas en faire leur chef-d'œuvre, ça. Parce que c'est délicat, il faudra avoir une certaine portée auprès de tout le monde. Il faut arriver à toucher l'opinion. Pour moi, c'est un peu lié à l'opinion et médias, c'est-à-dire que je pense que. Enfin, les médias, ils parlent aussi de ce qu'ils pensent que les gens ont envie d'entendre. Enfin, je ne fais pas vraiment une distinction non plus l'un avec l'autre très forte. Bon, après, il y a des effets d'actualité, de bien tomber, au moment où, enfin, que du coup, ils vont passer à l'article. Il y a des effets de ça un peu. Il y a l'aspect. Moi, j'ai donné un conseil, c'est d'en parler le plus possible, de faire circuler l'info, faire connaître. Partout là où on se trouve, donc on fait la casse-rompe au niveau stop-gavage, voilà, communiquer de presse et puis diffuser à toute une liste des gens qu'on pense qu'ils pourraient être intéressés par le truc. Après, est-ce qu'il faut lancer une campagne publique, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il faut dire, écrire à l'INRA, c'est la culture, ou ailleurs, ou à des députés par rapport à ça, aller au-delà du fait de faire connaître l'existence de ce rapport, quoi. En théorie, c'est toujours bien, mais est-ce que c'est de l'énergie bien utilisée? Je ne sais pas. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut faire une action coup d'éclat dans le siège de l'INRA pour faire venir les médias qui sont déstabilisés, je ne sais pas comment. Ça peut être une bonne idée. Est-ce que, comment? Ça peut être une bonne idée. Voilà, je ne sais pas, peut-être. Enfin, c'est sûrement bien maintenant par rapport à quoi d'autre qu'on ne va pas faire à la place. Je ne sais pas moi si. Je sais pas s'il faut rechercher chercher vraiment à. Est-ce que c'est possible d'obtenir une médiatisation forte et un débat public immédiat et que, je ne sais pas trop. Ou est-ce qu'il faut chercher plus un truc en tâche de fond, savoir que ça existe, et de dans la durée, de faire connaître cette remise en cause, quoi. Je n'ai pas la réponse. Hein. Moi, je ne vois pas bien ce qu'on peut faire. Je n'ai pas d'idées qui sont venues spontanément, comme campagne publique. Vers qui, c'est que ça reste à réfléchir, vers qui, avec qui elle serait ciblée, quelle serait la demande précise, qu'est-ce qu'on devrait obtenir. Je ne sais pas trop. Quoi. Parce que j'ai l'impression que le travail de critique à l'intérieur de l'INRA, ça va avoir une grosse portée de renversement d'opinion sur la question animale. Parce que c'est un peu le truc des magots, on se trompe. Mais c'est intéressant. Mm-hmm. Parce que c'est tellement grossier en plus des expériences. Il me semble que ça pourrait vraiment être un super levier, ça. Mm-hmm. Mais il y a des domaines où les gens ont envie d'être trop délicats. Oui, mais en même temps, une fois qu'ils sont mis face à ça, ils vont s'indigner. Ils auront été contents d'être trompés jusqu'à ce qu'ils soient mis face à ça et qu'ils peuvent. Mais c'est celui qui font tirer des mots, quoi. Je vais pas répondre. Non, mais je parle de. Tu veux pas savoir. N'empêche qu'une fois que tu es mis face au truc, tu vas s'indigner et t'arrêtes parce que ça va être salaud, on te cache ça. Et puis, j'aime pas. Tu montres qu'il y a des expériences qui sont faites pour ce truc, qui marchent de sorte de pied pour masquer les langues sensibles. Tu n'as même plus à argumenter sur le fait que les animaux sont sensibles. C'est une sorte de message implicite. Je me posais une question par rapport à. Parce qu'on parle là, tu parlais des. Tu montrais du genre des dindes, des dans le domaine, effectivement, on peut. Les gens vont souvent manger de la viande. Le juste que vous voulez sera élevé dans de meilleures conditions. Donc, c'est à chaque fois, il y a plus de gens qui sont pour. Mais pour le foie gras, c'est l'abolition claire, nette du foie gras. On ne peut pas faire de foie gras sans maltraiter les animaux. On ne peut pas réduire la souffrance. Donc, ça veut dire abolir clairement. Est-ce que l'opinion publique accepte aussi majoritairement ça qu'une amélioration des conditions d'élevage des poulets, par exemple? Oui, beaucoup plus forte proportion de gens qui sont pour abolir des pratiques d'élevage intensives comme la cage de batterie, etc., que ce soit pour la poule ou le canard gavé, qui est aussi en cage de batterie, que pour abolir la production de foie gras. Parce que le foie gras, il y a une perte culturelle au niveau de patrimoine gastronomique, le lard, il n'y aura plus de foie gras, c'est catastrophique. Donc forcément, dans le domaine, j'ai l'impression que les gens, par rapport même aux études scientifiques, quand tu leur montres des études scientifiques concernant les poulets, ils vont dire oui, bien sûr, c'est vrai, ils sont prêts à les accepter. Alors sur le foie gras, on a tous vu les spécialistes qui passent à la télé, mais vraiment, c'est des bouffons, il y a même pas besoin, il faut vraiment être de très mauvaise foi pour oser croire ce qu'ils racontent. C'est vrai que le coup du studio, quand on rentre dans la gueule des oies, c'est flagrant, il n'y a pas besoin d'études scientifiques pour montrer qu'il va rater, les gars. Mais les gens ont envie de croire parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des foie gras. Enfin, je sais pas, moi j'ai cru, il me semble, j'ai du mal à me souvenir qu'est-ce que je pensais exactement 5 ans, etc., mais je suis assez convaincu, j'avais dû entendre l'argument c'est réversible, si on garde et qu'on arrête, il y a de bien normal, donc ils sont pas malades, ils récupèrent après l'élevage, donc c'est pas si terrible, tout ça. Ben, j'ai dit, ben, c'est peut-être pas si terrible, ok, c'était pas si affreux, c'est peut-être non pire que d'autres trucs, tout ça, mais ça avait vachement de portée, ça, enfin, moi, ça en a sur moi encore aujourd'hui, quoi. Enfin, un niveau. Donc, oui, ben. Puis j'avais pas trop envie d'en poser la question. C'est l'idée de les deux souligner. J'ai pas envie parce que s'il y a des arguments qui semblent sérieux pour dire que c'était pas si terrible, j'ai tout à fait envie de me consacrer à ce problème-là parmi tant d'autres choses que j'aime proposer. Les arguments contre le foie gras, les arguments scientifiques, il y en a même beaucoup. Mais c'est tellement flagrant qu'il n'y a même pas besoin de faire des études très très poussées pour. On en a parlé tout à l'heure, voilà, c'est bon, on a suffisamment parlé. C'est vraiment flagrant qu'il y a une souffrance animale, tout ça. Après, c'est que la mauvaise foi. C'est une question de débat public, c'est une question de mettre au centre de tes préoccupations et ton débat. J'ai l'impression justement qu'il y a un blocage dans le débat public, que le public justement n'est pas ouvert même aux arguments scientifiques. Non mais l'idée de dire... Il n'y a pas assez de débat, il y en a un petit peu sur le débat, mais si y a... Le problème pour moi, pour les animaux en général, sur le foie gras, c'est que c'est qu'à partir du moment où c'est débattu, je pense que les arguments, ils avancent. Quoi. Je ne crois pas que tu puisses débattre du gavage ou débattre de l'élevage intensif ou même finalement de l'élevage sans que tu fasses progresser les arguments des gens qui sont pour qu'on arrête de les élever. Est-ce qu'il y a un débat possible dans un domaine comme le foie gras? C'est quand même quelque chose, c'est comme le fromage, c'est comme le vin en France. Il y a des résistances sur le débat, mais il y a des débats possibles. Ouais, sur le truc que tu disais que, enfin que les que c'est tellement évident quand on enfonce un truc dans la gorge du canard que ça lui fait mal, moi je a priori ça me paraît pas si évident que ça. C'est-à-dire que ça me paraît évident que nous, ça nous donne l'impression que ça doit faire mal. Mais je pense qu'il est légitime de se poser la question, de dire, mais le canard, il n'est pas fait comme nous. Je veux dire, le canard... Bon, ce que disent les scientifiques par rapport à ça, enfin, les scientifiques qui défendent le foie gras, c'est que le canard, il n'a pas le même réflexe de vomir. Voilà, de vomir. Si nous, on nous met un truc au fond de la gorge, ça nous fait... un réflexe de vomi et que le canard de vomir. Non, mais ils vomissent peut-être, mais oui, ils vomissent, mais je veux dire qu'ils n'ont pas ce réflexe qu'on a nous de quelque chose qui nous est désagréable quand ça passe juste au fond de la gorge. Bon. On ne sait pas, mais on peut le savoir. Je veux dire qu'on le sait sur les humains. Il n'y a pas de raison. Bon, maintenant, le problème après, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut le savoir sans non plus vivisecter les canards. Il y a un autre problème derrière ça. Mais je veux dire que la légitimité a priori de se poser la question, elle me paraît juste. Bon, le résultat ne me paraît pas juste parce que je pense qu'il y a beaucoup de raisons de penser que le canard, il n'aime vraiment pas ça non plus. Sur le moment, mais je pense que les autres animaux, c'est pas parce que je suis pour l'égalité animale que je suis pour dire que tous les animaux sont identiques au niveau de la façon dont ils sont faits, qu'il y a des choses qui peuvent nous faire souffrir et qui ne feraient pas souffrir les canards, ou à l'inverse, ce que disait Antoine en montrant les images, que quelqu'un se dit oh, mais un canard, le prendre et le mettre dans un sac, c'est pas grave, c'est un geste banal, je veux dire, mais que pour le canard, du point de vue du canard, et dans la perspective de ce que c'est un canard au niveau de l'évolution et tout ça, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ressemble à la prédation du point de vue du canard, donc ça peut être un stress énorme, alors que pour nous, c'est un truc banal. Donc ça marche dans les deux sens, mais je trouve a priori légitime, je ne trouve pas que c'est forcément être imbécile ou de mauvaise foi que de se dire oui le scientifique il a raison, c'est pas forcément parce que nous ça nous ferait... Enfin, le fait de dénoncer l'anthropomorphisme dans un certain sens, je suis d'accord avec quoi, on n'a pas non plus à... Mais dans ce qu'on dit, quand on regarde tout ça, les scientifiques qui présentent ça, peut-être qu'ils ont raison aussi, peut-être que le canard ça lui fait pas mal. On doit absolument chercher notre expertise. Mais est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'on a une? Vraiment? Ou est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison quelque part? Mais bon, ce que disait Antoine, c'est... Ils ont un peu raison. Enfin, on parle concrètement là. Je pense que c'est mon avis, je ne sais pas, je ne vais pas te prouver, mais je suis convaincu que le plus gros problème du gavage, c'est pas le fait de leur enfoncer un tube dans la gorge. Je pense que ça, c'est désagréable pour eux. C'est désagréable, très désagréable. Dans un certain nombre de cas, c'est extrêmement douloureux, mais pas dans tous les cas. Ça peut les blesser avec perforation. Les infections. Là, c'est extrêmement douloureux. Là, je pense que c'est affreux au moment où ça se passe. Mais pour les autres, pas nécessairement. Et que le plus gros problème, c'est que c'est terrifiant, le fait de se faire attraper, le prix, de ce qui va leur arriver, etc. La peur panique, plus que l'enfoncement dans la gorge. Et puis, la suralimentation qui les rend malades. Ils sont de plus en plus gros, malades, ils ont une vomir, ils ne sont pas bien, quoi. Ils sont malades. Et puis le fait d'être dans une cage de batterie, il ne faut pas du tout bouger. Ça, je pense que c'est pire que l'enfoncement du foie gras. Et le meilleur problème, c'est que les études qu'a financées les producteurs de foie gras, c'est sur est-ce que le fait d'enfoncer le tube dans la gorge fait mal. Mais toutes les autres choses que je viens d'évoquer, en gros, Au niveau effectivement de l'anthropomorphisme, qui est-ce qui sensibilise la population, c'est ça le premier argument. C'est évident, parce qu'en même temps, entasser des canards dans un endroit où il n'y a pas de place, on le fait avec le poulet, et il n'y a pas de raison qu'on soit plus sensible à la question des canards à foie gras que des poulets de chair ou quoi que ce soit. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que forcément, les gens vont trouver l'aubaine dans des arguments scientifiques qui qui vont dans le sens de leur hypocrisie. Enfin, je veux dire, ça facilite. Mais après, effectivement, ces mêmes gens, si tu leur mets devant les yeux des arguments scientifiques qui leur poussent à. Enfin, qui font qu'ils ne peuvent pas ne pas considérer certains aspects de la souffrance animale, etc., peut-être que ça va les faire évoluer dans leur réflexion, dans leur pratique, et puis dans la façon dont ils considèrent les animaux. Oui, c'est certain qu'il faut leur présenter des sources. Mais est-ce que les problèmes qui sont posés dans le domaine du foie gras, est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui sont dans tous les domaines de l'élevage? Parce que quelle est la particularité? Bon, le gavage en lui-même, c'est vraiment la seule grosse différence qu'il y a avec un élevage de volaille de chair, par exemple. C'est ça qui est la grosse différence. Pourquoi est-ce que le foie gras, c'est une campagne sur laquelle il y a besoin de cibler? Parce que qu'est-ce qui fait que ça, à part, c'est le procédé du gavage. C'est ça la principale différence. Le reste, l'emplacement, tout ça, c'est la même chose dans tous les élevages. Et finalement, ce gavage-là, on arrivera presque à dire au niveau scientifique, justement, que bon, c'est peut-être pas si catastrophique que ça. Donc au final, il n'y a pas de raison de se préoccuper plus du foie gras que de la chair animale, que de la chair de volaille derrière. Tu dis pour quel est l'intérêt pourquoi cette campagne-là en particulier, plus que pour toutes les volailles dans l'ensemble. Si justement la différence est quelque chose qui ne leur fait peut-être pas, ne fait peut-être pas tant souffrir qu'on pourrait imaginer. Un intérêt du foie gras, c'est que, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que c'est une campagne d'abolition. C'est-à-dire qu'on dit, c'est légitime d'interdire le foie gras, on va arrêter de manger ça, parce que c'est moche pour les animaux. Mais on va carrément arrêter de les manger. Quoi. Et c'est, à la différence de campagnes pour faire interdire les batteries de cage pour les poules, on ne dit pas on va arrêter de manger les œufs, ou pour la viande, on va dire les animaux sont mieux en plein air, on ne dit pas on va arrêter de manger le poulet, on dit il va être mieux, tu vois. Donc l'intérêt de cette campagne, c'est qu'elle permet sur un cas particulier, avant la viande, de voir comment on peut faire pour abolir. Après, pour abolir une pratique, et qu'est-ce que ça implique de dire. Enfin voilà, c'est différent effectivement de ce point de vue-là, de campagne. Bon. Maintenant, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi plus de 30 millions, enfin ça fait 40 millions de canards en fait concernés chaque année, 30 millions qui sont gavés, 10 millions qui meurent avant. Éliminés avant, qui sont concernés par la pratique, et donc ça concerne un très très grand nombre d'individus. Et ces canards-là, ils sont utilisés juste pour leur foie, ou tout le reste est utilisé? Tout le reste, oui. Le magret notamment, ce qu'on appelle le magret, c'est... Tout est bon dans le canard. Dans le rouge. Des ailes. Sauf le bec, on ne peut pas manger le bec. Les gens qui le mangent, le canard laqué, tu manges le bec. Ah bon? Mais on ne peut pas les canards laquer avec le foie gras. Quoi qu'il peut y avoir une combinaison culturelle et gastronomique intéressante à faire à ce endroit-là, mais c'est pas moi qui l'a fait. C'est aussi un inconvénient. Ce qu'il dit François, c'est qu'il y a une résistance qui va être plus forte. Oui. Comme la campagne, c'est ce qu'il voulait dire aussi, je pense. Oui. Ah oui. Mais il y a aussi un contexte législatif au niveau européen qui fait que dans les textes, normalement, le gavage, il est. Noir sur blanc, il est interdit. Pourquoi ce gavage interdit si justement ça ne procure pas, si en dehors de cette compassion anthropomorphiste, c'est pas si douloureux que ça? Non, mais c'est quand même. Pourquoi est-ce que le gavage est interdit? Quel est le critère qui dit qu'il ne faut pas faire de gavage, c'est mal, par rapport à toutes les autres pratiques d'élevage? À couper le bec. Mais clairement, parce que ça génère des souffrances. Bah, couper le bec aussi, il y a plein d'autres pratiques qui génèrent des souffrances, même peut-être plus que le gavage, et qu'on laisse faire. Oui, mais là, c'est une pratique d'alimentation des animaux qui génère une souffrance. Ce que dit la directive européenne, c'est les méthodes d'alimentation des animaux qui sont source de lésions ou de souffrances ne doivent pas être autorisées. Il y a aussi des méthodes de logement, il y a tout. Enfin, l'élevage est illégal aujourd'hui, quasiment. Enfin, toutes les femmes d'élevage, les pratiques. C'est pas ça. Non, mais je veux dire, les ce que tu dis là. Sur l'aspect d'alimentation, on les a sur tous les autres domaines, même il y a des clauses générales qui interdisent de faire souffrir inutilement un animal, qui ne dit même pas son bétail et tout, quoi. Voilà, donc de ce point de vue-là, l'élevage est illégal aussi. Mais inutilement, ça veut dire tout et n'importe quoi. Inutilement, c'est pas scientifique comme mot. Mais c'est pour produire de la viande. Si c'est pour te nourrir, à ce moment-là, voilà. Mais tu vois, il se trouve aussi que le gavage est interdit dans tout un tas d'autres pays, qu'il y a tout un tas d'interdictions aussi qui tombent progressivement d'année sur l'autre aux États-Unis, en Israël, etc. Donc c'est une situation qui peut paraître difficile, mais c'est vrai qu'il y a une résistance énorme dans un sens, mais il y a aussi un élan considérable dans l'autre, quoi. Ouais, mais alors ça, par exemple, la résistance qu'il peut y avoir en France avec le foie gras, c'est la même qu'il y a par rapport au fromage français, où tout le monde dans le monde bouffe du fromage stérilisé, qu'en France, c'est pas envisageable, quoi. On a les fromages, c'est le même truc, il y a une question de préservation du patrimoine gastronomique, et du coup, il y a une résistance. Pensez, c'est facile pour les trois quarts de la planète d'abandonner le foie gras, de dire que c'est mal, ça mange pas. Oui, mais sur le foie gras, pourquoi il est intéressant, c'est pour bien différent de ce que je dis avant, c'est que si tu arrives à faire progresser la question du foie gras, tu fais progresser la question de la viande de manière très très similaire. Ça se voit parce que les adversaires de l'interdiction du foie gras, l'argument c'est si on interdit le foie gras, derrière, mais alors il faut interdire le poulet industriel au moins, et puis il faut interdire les autres batteries. Et puis, donc si on va par là, voilà, la pente savonneuse, quoi. Et c'est exactement la pente savonneuse sur laquelle on veut aller. Parce que les arguments pour interdire le foie gras, c'est le même que pour interdire la viande. Oui, en Israël ou en Californie, où on a interdit le foie gras, est-ce que ça réduit la consommation des poulets? Je pense pas. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire que ça fait progresser l'idée que ça peut être légitime d'interdire un aliment, là le foie gras, parce que les animaux souffrent pour le produire. Et qu'à partir du moment où tu es d'accord avec cette idée-là et que tu l'as mise en pratique et que ça a été voté, tu te le dis avant même de l'avoir voté. Je veux dire, dans les débats publics sur le foie gras, mais y compris en France, alors en France c'est très en filigrane, alors dans tous les autres pays sur le foie gras, c'est vraiment à chaque fois, il n'y a quasiment pas un article où il n'y a pas l'éleveur de foie gras ou le restaurateur autre qui dit mais je suis contre le foie gras, pas tant parce que je vends du foie gras, mais toujours dans le même pot. Parce que si on va par là, mais on remet en cause tous les produits animaux, quoi. Et ça, je veux pas, je m'y oppose, je ne suis pas prêt, je trouve que c'est débile, c'est sectaire, peu importe les raisons qui sortent, mais c'est pour ça qu'il y a aussi tant de... C'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a vraiment un gros débat public sur le foie gras. C'est étonnant à quel point cette question mobilise pour ou contre, qu'il y a du débat là-dessus. Mais parce qu'elle est symbolique de ça, quoi. C'est pas parce que les gens se préoccupent du foie gras, parce qu'en l'occurrence, quasiment personne ne connaissait là-bas le foie gras avant qu'il y ait ces débats-là sur l'interdiction. Donc l'interdiction, elle fait connaître le produit, quoi. Non, c'est parce qu'elle est symbolique d'autre chose. Et c'est vraiment clairement les adversaires de ça, ils le disent. C'est, ouais. Il y a vraiment une différence quand on fait une action contre n'importe quel animal, ici, et le foie gras. Quand j'ai fait une action contre la fourrure, on avait 40 personnes qui sont venues pour voir un film sur la fourrure, comme on a vu hier soir. Ça varie entre 20 et 40 personnes. Quand on a fait le foie gras, c'était le dernier truc qu'on a fait. Bon, je ne sais pas combien on était, on était 6 ou 10, c'était l'horreur. Personne ne voulait venir. Et des gens m'ont téléphoné pour dire, on ne va pas venir parce que c'est inutile de venir, parce que le foie gras c'est trop français, etc. Donc il y a un grand problème de mentalité, même parmi les gens qui sont pour les animaux, qui militent pour les animaux, mais pour eux, la bataille est déjà perdue en avance, parce que pour eux, le foie gras c'est sacré. C'est une chose dans la tête des Français que moi, en Australienne, je ne peux rien faire, sauf je peux de temps en temps passer un film sur le foie gras, le film magnifique sur le gavage, tout le monde doit le passer à leurs amis au moins une fois par an. Donc voilà, c'est comme les gens le voient, ils sont impressionnés, ils pleurent, ils ont envie de vomir, ils sautent, ils allument des cigarettes, ils disent n'importe quoi. Ça impressionne, mais Mais je pense qu'en plus, c'est pas seulement le patrimoine gastronomique, c'est en plus, c'est le patrimoine culturel et des métiers. C'est-à-dire que les Français sont vachement... Au niveau des noms, les gaveurs pour le foie gras, je crois que c'est ridicule ce que ça représente comme métier. Oui, mais dans l'esprit français, les Français sont, comment dire, se mettent du côté des agriculteurs, parce que pour eux, finalement, l'agriculture, c'est un patrimoine culturel, quoi. Et les métiers de l'agriculture, par exemple, le métier d'éleveur, de producteur de foie gras, pour eux, c'est un patrimoine culturel. Quoi. Et ils ont l'impression que si mettre, de prôner l'abolition par exemple de ça, c'est aussi supprimer un métier privé d'emploi à une personne. Mais privé d'emploi, je pense pas que ça serait. Oui, oui. Oui, non, c'est vrai. Tout à fait, c'est pas une impression. Je peux le mettre pour ceux qui veulent voir, mais... Ouais. Comment ? Oui. C'est un extrait, mais... Que ce... Oui, enfin... Je dis que le débat est... Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ce matin ? Oui, c'est ce que je veux dire. Mais là, je vais passer... C'est un extrait d'un documentaire qui avait diffusé l'année dernière par Bruno Tomé, son réalisateur. Bruno, qui vient pour le débat à domestication, cette semaine. C'est un film, c'est un documentaire qui s'appelle « Des cochons et des hommes ». Comme il y en a, je vais mettre à l'écran. Qui est un documentaire sur les études de l'INRA, sur le bien-être des cochons, le mal-être des cochons, suivant si... ils sont bien ou pas, en particulier à dormir sur la paille, dormir sur du béton dur. Voilà, donc il y a quelques interviews des chercheurs qui ont travaillé sur cette question là, qui disent bien les choses qu'on a dit avant. Ça dure combien de temps ? Donc c'est l'extrait, je pense qu'il dure 10 minutes. Je vais me situer au début du truc. Le documentaire, il dure 2 heures, je crois, mais je vais le mettre au bon endroit. C'est dur ? Il a été tourné en 2001, je crois. Non, je dis que c'est... C'est pas, non, c'est pas très horrible. Hein. Pas, non. Pas du tout, non. Si on n'est pas le cochon quand il est à dormir sur du béton, c'est pas... Non, mais il n'y a pas d'image dure. Il est 14h04.